Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 14. Rappel traditionnel de notre émission, si vous souhaitez nous contacter, vous devez passer par l'adresse mail suivante, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Donc cette adresse email vous permet de nous envoyer par exemple des liens d'articles, des informations, nous poser une question sur le site ou autre, éventuellement vous signaler si vous faites des dons, si vous souhaitez nous soutenir et que on vous remercie à l'antenne. D'ailleurs, et je passe au second rappel, pour les dons, tout est expliqué sur le site, sur la partie droite, les dons se font exclusivement en crypto-monnaie, plus particulièrement Monero, qui garantit l'anonymat de celui qui donne, comme celui qui reçoit d'ailleurs, ainsi que le montant. C'est très pratique, surtout en cette période de surveillance généralisée, on aura probablement l'occasion d'en reparler. Alors je vais quand même lire un courrier d'un donateur qui nous a fait le plaisir de nous soutenir. C'est signé un ex-gauchiste devenu 100% européen. Voici ce qu'il nous dit. Notre mécène. Bonjour les amis, je viens de vous faire un don de 0,95 Monero en contrepartie de tous les bons moments que vous m'avez fait passer. Je vous ai connu par égalité et réconciliation. Personne n'est parfait. À l'époque où le pouvoir judéo-maçonnique essayait de fermer votre site, mon premier contact avec votre contenu rédactionnel a été un peu rude. J'hésitais entre voir en vous des gauchistes essayant de discréditer la vraie droite, celle de Tonton, par des propos outranciers, ou alors une sorte de harakiri revisité par les nationaux-socialistes. Il semblerait que la seconde hypothèse soit la bonne, le tout appuyé par des articles de synthèse tenant vraiment la route. Bref, vous m'avez apprivoisé, et j'attends maintenant impatiemment votre émission hebdomadaire, la phrase rituelle « que ma famille nombreuse, que j'éduque et forme aux idées saines, entend toutes les semaines » étant « aujourd'hui c'est mardi, aujourd'hui c'est démocratie ». Depuis quelques semaines, l'équipe semble particulièrement bien rodée, vous fonctionnez très bien ensemble, à mon humble avis, tout en étant de grande valeur, mais chacun ayant ses particularités, sa sensibilité propre pour éclairer les auditeurs ou les faire rire ou sourire. L'humour étant, comme on le sait, la politesse du désespoir. Je vous écrirai plus longuement dans quelques temps pour apporter un éclairage sur mon parcours et ce qui se passe dans ma région d'adoption et vous jugerai si cela a un quelconque intérêt pour vos auditeurs. Continuez votre œuvre de salubrité publique. Alors ben merci. C'est sympa, c'est un bel encouragement. Je ne sais pas si toutes les louanges sont méritées, mais enfin bon, je les accepte bien volontiers pour ma part, et je pense que les autres membres de l'équipe aussi. Donc merci beaucoup à cet ex-gauchiste devenu 100% européen, et à tous ceux qui nous donnent anonymement et qui ne se manifestent pas. Il y a des gens qui ne souhaitent pas du tout se faire connaître, donc ils nous font des dons et ils ne se manifestent pas. Alors je présente maintenant les membres de la semaine. Je commence avec Pierrot. Salut Pierrot, tu nous fais le plaisir d'être là cette semaine, comme toutes les semaines. Comment vas-tu Pierrot ? Salut Gandalf, salut tout le monde. Bah écoute, je vais très bien, toujours confiné, donc pour passer le temps, je lis le forum, voilà, et je rigole bien. Mieux vaut être confiné que confini, hein. Tout à fait. Oh. MacDav, comment vas-tu MacDav ? Salut les amis, ça va très très bien. T'as la voix de Patrick Bruel, qu'est-ce qui se passe J'ai la voix de Patrick Bruel. Aurais-tu voilà. contracté le coronavirus en faisant du piano? Non, j'ai rien contracté du tout et je ne me fais pas masser en plein confinement, je ne suis pas fou. D'accord. Diabolix est aussi avec nous, il a plusieurs fers au feu, mais il est avec nous. Salut Diabolix, comment vas-tu? Bonsoir Gandalf, fatigué, bonjour à tous, mais surtout une chose importante, rendez-moi service, sauvez la planète, adoptez un pangolin. Message bien reçu. Alors, Fulbert, normalement, nous rejoindra dans le cours de l'émission, donc j'espère qu'on le verra à ce moment-là. Et enfin, bon, l'autorité spirituelle de notre émission, le cardinal en personne, Derek. Comment vas-tu, cher Derek, en cette semaine de confinement, cette troisième semaine, 20 jours de confinement, ça passe vite. Oui, moi j'ai commencé un petit peu plus tard le confinement, mais c'est vrai que ça fait 2 semaines et ça commence à me peser lourdement. C'est vrai que avec l'ouverture du forum là qui a eu cette semaine, oui. Europe Écologie Les Bruns, n'est-ce oui. pas? Bien, bon, on a un petit peu de quoi se divertir. Et comme l'a fort justement remarqué notre auditeur là qui nous a donc fait un don, le jour mardi est en passe de devenir un mot officiel de haine. Hein, c'est-à-dire que les gens quand ils parlent, oui, moi ma semaine commence le mardi, ce genre de truc, j'ai vu ça sur le forum, il y a beaucoup de gens qui en parlant, tu vois, ils font des blagues sur le mardi et puis ils se reconnaissent. Tu vois, ils se disent, tiens, Adolf Hitler d'un coup. Tu vois, le mardi est associé à Adolf Hitler. C'est assez étrange. Et nous allons arriver, chers auditeurs, à faire en sorte que le mardi soit officiellement reconnu par le CAL, hein, par la LICRA, peut-être même l'Anti-Defamation League, hein, si on arrive à très fort, comme un jour antisémite. Ça arrivera. On a fait CNN quand même. Hein. On a fait CNN. Ouais. Mais le mardi, les gens qui parlent de mardi vont être particulièrement louches aux yeux des juifs. puisque les juifs nous regardent et nous écoutent. Hein. Tout à fait, tout à fait. Salut. On aura peut-être un jour spécial, une sorte de Shabbat inversé, ce serait bien ça. Le mardi. D'ailleurs, j'en profite. Pour peut-être faire un petit, pas un tour de table, mais on va dire un petit point là sur l'ouverture du forum. Donc comme je l'avais annoncé dans l'émission de la semaine dernière, le forum a donc pu ouvrir, enfin. Alors ça a vocation à s'améliorer, on prend bien sûr les suggestions, n'hésitez pas, vous pouvez contacter la modération par message. Si jamais vous avez une question, ou par email d'ailleurs, hein, l'email aussi sert à ça, donc si vous voulez... faire une suggestion de rubrique ou que sais-je, n'hésitez pas. Donc le forum, comme ça a été expliqué, est d'abord fait pour ceux qui s'en servent, c'était pas tellement pour le site, c'est plus pour que les gens puissent se retrouver et discuter. Donc le forum va être ce que nos auditeurs, nos lecteurs, les gens qui suivent un peu tout ça, en font. Donc j'ai pas de raison d'avoir un avis négatif. A priori, je vois que le démarrage est plutôt positif. Hein. Je pense qu'il y a de la qualité. Il y a des gens qui arrivent pour mettre du contenu, etc. Donc, une discussion courtoise, structurée. J'espère que ça va durer comme ça. Au moment où je parle, je crois qu'on est pas loin des 500 membres enregistrés. Alors, ce sont des membres enregistrés, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tous participent et pas au même niveau. Mais on va voir combien de personnes vont s'enregistrer. Mais bon, voilà, on a enfin réussi à l'ouvrir. Je tiens à remercier, bien sûr, au nom de toute l'équipe, les mécènes qui ont permis de financer le forum. Car je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, surtout que ce n'est pas moi qui me charge de ça. Mais il a fallu investir, pour le coup. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui nous ont fait des dons. C'est vrai qu'ils ont plus posé la question, parce que comme ça mettait un peu de temps à se mettre en place, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai payé pour rien? Non, voilà, ça y est, c'est bon, c'est lancé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Derek, tu voulais dire quelque chose? Oui, voilà, donc c'est en place. Consigne principale à propos des participants, éviter les insultes, quelles qu'elles soient, même si le propos de votre contradicteur vous semble abscon, hein, restez courtois. Tant qu'on reste dans cette règle-là, tout ira bien. Oui, c'est ça, et aussi pas d'appel à la violence, bien évidemment, pas d'appel à la violence. Ou... Oui, les violences, les meurtres, voilà, les génocides, etc., nous allons éviter. Et... Ouais. Voilà. Donc faut que ce soit très clair, comment dirais-je, on écarte ça tout de suite. Hein, donc, et comme vous le savez aussi, il y a une modération a priori, donc ce qui évite quand même les provocateurs. Ça évite quand même beaucoup les provocateurs. On avait malheureusement eu, on était présent sur 8chan, parce qu'on était faute de mieux, parce qu'on avait été censuré par de Discus. On était passé sur 8chan. Alors 8chan, c'était mieux que rien, mais malheureusement, toute une série de provocateurs pouvaient venir pour volontairement, empêcher toute constitution d'une discussion sur tel ou tel sujet. Donc c'est vrai que c'était la qualité n'y était pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens de qualité. C'était une modération a posteriori. Donc c'était très difficile à gérer. Voilà. Donc des retours que j'ai, de ce qu'on constate, on n'assiste à rien de similaire. Vraiment pas. Ça décourage vraiment les empêcheurs de tourner en rond. Et les métèques aussi. Oui, oui. Voilà. Donc, on espère que ça. Bon, il n'y a pas de raison. Je vois que le guide racial des villes a quand même bien progressé. Hein, ça n'a pas mis longtemps. J'invite nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas encore été sur le forum, je vous invite, si ce n'est fait, vous y inscrire, à y participer, à alimenter les différentes rubriques, notamment, comme j'en parlais, le guide racial des villes. Donc, si vous avez envie, sans être trop précis sur votre propre localisation. Hein. Mais c'est important de ne pas être trop précis, de dire oui, je travaille dans telle rue, style de commerce. Bon, c'est problématique. Et surtout, on l'a dit lors de l'ouverture du forum. Bon, il y en a certains qui l'ont mis, bon, et pourquoi pas. Mais éviter de garder les mêmes pseudos que vous utilisez ailleurs, c'est quand même mieux, hein, pour votre sécurité, pour celle des autres aussi. Hein. Tout à fait. Donc inscrivez-vous, chers amis. Et alors si... Ah oui, une autre annonce, là, c'est par rapport aux éventuels pro... Parce qu'il y a des bugs de démarrage, c'est normal. Si vous avez essayé de vous enregistrer et que ça n'a pas fonctionné, pas de panique, vous écrivez à notre adresse email et vous signalez, vous donnez votre pseudonyme que vous utilisez sur le forum, et vous dites, voilà, je me suis inscrit, j'arrive pas à avoir l'email de confirmation, parce qu'en général, c'est à ce niveau-là que ça se passe. On transmettra, ça sera géré par l'équipe technique, et voilà. Donc, si jamais il y a un problème de ce côté-là, écrivez-nous, on règle ça. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Et donc, merci à tous nos contributeurs présents et futurs. Je vois qu'il y a beaucoup de mèmes, etc. Ils risquent d'être utilisés ensuite sur le site, très probablement. Donc, merci à ceux qui font vivre le forum. Oui, voilà. J'ai vu beaucoup. Je tenais aussi à remarquer la créativité dont ont fait preuve les utilisateurs du forum dans la création de leurs pseudonymes, hein, notamment certains Tristan et Isieux. Et oui, j'ai beaucoup aimé. Ça nous a particulièrement fait rire, hein, Tristan et Isieux. Bravo pour ce moment. Tout à fait. Est-ce qu'on présenterait notre ami Fulbert aussi, qui vient d'arriver? Ah, il vient d'arriver. Salut Fulbert, ça va? Oh, bonjour Gardage, bonjour à tous. Tout va bien. Je faisais cuire quelque chose ou quelqu'un. On ne sait pas. Alors messieurs, je vous propose de commencer avec notre première rubrique. Donc, hein, en avant Guingamp, en avant les nègres. Rubrique numéro 1, réponse des auditeurs. Alors vous le savez, il y a des réactions qui nous parviennent par écrit d'auditeurs qui veulent faire observer tel ou tel point, ou qui répondent à un appel. Et je sais que Pierrot ou Déric sont des gens qui aiment bien solliciter, comme moi, solliciter les auditeurs pour nous éclairer si jamais ils ont des réponses sur telle ou telle question. Et c'est souvent le cas, et on a donc, grâce à cette rubrique, le moyen d'avoir des retours. Alors, premier retour. Bonjour messieurs. Si je me permets de vous écrire, c'est parce que vous êtes posé la question de la situation ethnique de La Rochelle. Je crois que c'est moi qui me demandais. ou Pierrot, je sais plus. Inutile de vous mentir, je ne suis pas un fervent partisan du Quatrième Reich, mais ayant des précisions sur l'évolution très particulière de La Rochelle, autant vous en faire part. La Rochelle, donc, a 10-15 ans de retard sur, disons, l'Est de la France du point de vue démographique. Je suis parti pour Paris en 1995 assez jeune, d'une ville, les Républicains, alors française. Donc, Républicains, UMP, RPR, donc vous vous situez. À mon retour, 5 ans après, j'avais à peine quitté Paris. La place de Verdun, d'où partent toutes les lignes de bus de la ville, était devenue comme un fief de la banlieue nord de Paris, et ça s'est bien accentué par la suite. Mais ce n'est pas tout. Je me suis décidé, il y a 7 ans, à quitter une commune où on finissait par payer 600 euros un T2 d'une salubrité douteuse pour une sous-préfecture, deuxième ville du département, une sorte de Bordeaux en miniature, loyer divisé par 4 surfaces équivalentes. Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu l'occasion de revenir fréquemment à La Rochelle à l'occasion d'événements, inutile de s'étendre là-dessus. Et là, à nouveau, quel changement. La ville est à présent littéralement submergée de blanc. Et ça déborde partout, au point que les parcelles de terrain constructibles doivent à présent être inexistantes. Même à Port-Neuf, bien tenu par d'honorables sud-méditerranéens, eh bien ces derniers ont dû s'incliner et accepter la germination de pléthore de pavillons habités par des Français. Même chose pour les minimes, métamorphosées, qui étaient un peu le fief d'étudiants dont vous devenez la provenance. À tel point que maintenant les blackos sont obligés de se répartir dans tous les coins de la place de Verdun pour qu'on les voie et qu'on se soutienne et qu'on se souvienne de leur existence. On m'a dit que les nouveaux venus venaient surtout de la banlieue parisienne, c'est un phénomène de plus grande ampleur. Soyons clairs, la population autochtone régionale a été entamée assez tôt dans ce département. Tout au long du siècle précédent, des flux continus de Bretons, surtout, s'y sont déversés au point que La Rochelle est devenue un des principaux ports bretons, Brest comme Saint-Brieuc n'étant plus une ville française. Je pense qu'il évoque en fait le remplacement de population dans ces villes. Le département a toujours connu les établissements de Français d'autres régions, mais depuis quelques années, je vous le demande, qu'est-ce que c'est que tous ces Alsaciens qui enlèvent le pain de la bouche de nos Bretons à nous ? Le plus préoccupant tout de même, c'est cette impression que l'Est est en train de basculer vers l'Ouest, et donc que la France serait en passe dans les prochaines décennies de perdre sa partie orientale, si rien n'est fait dans les 10 prochaines années pour y remédier. J'espère que ce courrier n'a pas été trop long et vous a donné une vue succincte de la situation de La Rochelle. Merci à vous et c'est un participatif moyennement démocrate. Donc, n'est pas partisan du Quatrième Reich, bon, mais peut-être la démocratie, les critiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est très au fait de la question raciale. Alors, bon, bah, on a une réponse. Donc, en fait, La Rochelle serait un peu un réceptacle du white flight. C'est... Breton en particulier, c'est assez... Non, il dit que c'était ça depuis un siècle, mais que le nouveau phénomène, c'est des gens qui partent de l'Est de la France. Ce qu'il dit, on dit c'est des Parisiens, il dit c'est faux, c'est bien plus large que ça. Il y a des Parisiens, mais il y a aussi des gens qui quittent même l'Alsace pour venir s'établir là. Et avec le phénomène de blanchissement de la ville, c'est assez cocasse. C'est vrai qu'on ne parle jamais de ce type de phénomène dans le white flight, on parle souvent du remplacement ethnique, mais il y a des gens qui partent de certaines villes, comme vous le savez, les Français s'en vont, mais s'ils s'en vont, ils arrivent bien quelque part. Et là, on a un exemple concret, c'est très intéressant. Je m'étais jamais intéressé à ce phénomène-là, et apparemment, bon, bah, La Rochelle reçoit ces gens-là. Alors, il y a un truc très probable, mais là, je m'avance, mais il y a un truc très probable, c'est que souvent, pas tout le temps, hein, y a des gens qui quittent les quartiers pourris, et ils savent pourquoi, et ils ont les idées claires. Mais il y a beaucoup de gens qui quittent les quartiers pourris, tout en gardant la mentalité cosmopolite. Hein. Vous savez, typiquement les bobos, quoi. Hein. Donc, je ne sais pas si ça va se traduire par un changement d'état d'esprit dans une ville comme La Rochelle, par exemple, au plan politique. Quoi. J'en suis pas sûr. Il y a le même phénomène aussi à Bordeaux, hein, d'arrivée massive de Parisiens. Hein. Ouais. Ouais. Oui. C'est un petit peu pareil, sauf que Bordeaux est officiellement à droite et La Rochelle, je crois, est plutôt à gauche. Mmh. En tout cas, historiquement, je ne sais pas si le maire actuel était à droite ou à gauche, mais je sais que le Parti Socialiste est à faire ses universités d'été à La Rochelle. Hein, ouais. Très souvent, ils se remettaient là-bas, donc c'était un repère, peut-être, à... oui, c'était la capitale du Boboland, hein, en tout cas la capitale d'été. Oui, c'est les socialistes. Oui, la capitale des éléphants. Parce que maintenant, le Parti socialiste, ça ressemble plutôt au Parti socialiste entre le Mali et le Maroc, hein, quelque chose comme la Mauritanie. Donc, ouais, les ruines du Boboland, quoi, La Rochelle. Le cimetière des éléphants, tu veux dire. Cimetière des éléphants, oh, c'est si joliment très bien. Non, mais c'est l'endroit est beau, hein, je veux dire, même le sud du pays nantais est beau, il y a des vignobles, et enfin, autour de la Loire, là, et plus on descend, enfin, toute cette côte, la côte atlantique est très belle. Ouais, donc, ben, merci en tout cas à notre auditeur de nous avoir éclairé, j'ai ma réponse. Et bah, n'hésitez pas. Bon, il y a le guide racial des villes qui nous permet d'avoir une photographie d'un peu des grandes villes de France, hein, sur le forum. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez compter quand même envoyer des témoignages pour l'émission si vous voulez mettre un point en avant et le communiquer aux auditeurs, quoi. Donc n'hésitez pas là-dessus. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur ce point ou pas? Pas particulièrement? D'accord. Alors, messieurs, je vous propose de passer à la rubrique suivante. Courrier des lecteurs. Premier courrier. Alors, voici. Donc, bonjour, chers camarades participatifs. Je vous avais adressé un courrier l'été dernier relatant mes observations en tant qu'employé d'un grand service de l'énergie dans un coin de France très préservé de la pourriture arabo-négroïde et que vous aviez de mémoire nommé sociologie rurale. À la fin de ce courrier, je vous avais promis une suite que voici. Tout d'abord, suite à l'interrogation de plusieurs participants, je ne peux, pour des questions de sécurité, vous indiquer où se trouve ce petit point de paradis blanc, donc où il se trouve. Je peux simplement vous dire qu'il se trouve dans la partie nord de notre beau pays. Partie nord étant entendu comme tout ce qui se trouve au-dessus de la Loire. Depuis mon courrier, donc, certaines choses ont changé. Est-ce dû à l'aura de notre agrégé de négrologie? Nul ne le sait. Mais par une chaude après-midi de septembre, à proximité du grand lycée du coin, je tombais non pas sur un, mais sur deux négros. Puis, le lendemain, de nouveau, sur d'autres jeunes représentants de la nouvelle religion de négrologie. De négrolatrie, par contre, hein, c'est de négrolatrie. J'en fus si bouleversé que je me mis immédiatement à chercher d'où pouvaient bien provenir ces macaques. Et c'est en questionnant un jeune issu de ce lycée que j'eus ma réponse. Nous aussi, on s'est posé la question, me dit-il. L'année dernière, il n'y en avait qu'un. Maintenant, il y en a 10. Ils sont tous à l'internat et ils viennent de Paris car il n'y a plus de place pour eux là-bas. Ils restent que la semaine et repartent le week-end. Le fameux plan de dispersion des nègres dans nos campagnes via l'éducation nationale dont vous aviez d'ailleurs parlé est donc bien effectif. Ils dispersent à vos frais des négros à des centaines de kilomètres de chez eux pour pourrir notre race jusque dans les territoires les plus isolés de notre beau pays. Petite précision en passage, la région étant composée uniquement de petits villages d'à peine 100 âmes éloignés les uns des autres, et l'État n'en ayant rien à foutre des campagnes, il n'existe quasiment pas de bus pour les jeunes. La majorité des étudiants et des étudiantes se trouvent donc à l'internat avec ces primates. De là à dire qu'il y a une stratégie derrière tout ça, à propos d'étudiantes, petit aparté, avec l'arrivée de ces singes, j'ai pu croiser pour la première fois dans le coin une putain nègre, habillée comme Julia Roberts dans Pretty Woman, sauf qu'elle n'était pas au bras d'un mâle alpha comme Richard Gere, mais d'un sous-homme issu des chiottes d'Afrique. Je la vis donc déambuler ainsi, bouteille de Sky à la main, accompagnée de son animal de compagnie, ce qui, je ne vous le cache pas, m'a donné une bonne envie de dégueuler. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, le soir même, je recroise cette même putain dans un restaurant, mais cette fois-ci totalement métamorphosée. Habillée joliment et bien apprêtée, en train de manger avec toute sa famille blanche. Impossible de se dire que, quelques heures avant, elle se commettait avec un immonde babouin. Le pouvoir de caméléon des femmes est incroyable et la création d'un site Balance ta panne va devenir vitale pour tout jeune blanc qui souhaite fonder un foyer. Pour continuer dans la négrologie, par mon métier, je dois passer dans chaque nouvelle construction pour qu'elle puisse être alimentée. Je devais donc passer dans un de ces nouveaux lotissements qui poussent comme des furoncles et qui défigurent nos campagnes. Premier indice qui me mit la puce à l'oreille, la présence devant chaque maison de scéniques et autres espaces défoncés dont l'immatriculation était affublée de l'immonde étoile rouge de l'Île-de-France. Et malheureusement, mes craintes furent immédiatement vérifiées. Chaque maison était habitée par une de ces races de boue. Au bout d'un moment, la question me démangea et je demandai à un de ces nègres ce qu'il pouvait bien faire ici, si loin de Paris. Et il me répondit avec son accent de nègre indolent « Je vais te donner l'astuce. Si toi aussi tu as des enfants et que tu veux une maison, tu vas à la CAF, tu demandes une attestation de tes droits. Après, tu vas voir le promoteur avec ton papier et il te fait une maison par rapport à tes allocations. Je suis venu ici parce que les terrains sont bien moins chers qu'en IDF. Et du coup, je pouvais avoir une plus grande maison. » Les Blancs qui galèrent à payer un loyer pour un logement miteux à des boomers qui ont raflé ça une misère il y a 30 ans seront heureux d'apprendre que l'État paye des maisons neuves à des nègres dans de jolies campagnes. Il faudra également traiter un jour le cas de ces promoteurs qui, non contents de détruire nos jolis paysages, y amènent aussi la lie du tiers-monde. Pour terminer ce courrier, je vous avais promis de vous parler des cités HLM du coin. Donc on est en territoire rural. Hein. La grande ville du coin, entre guillemets, possède donc une cité, entre guillemets, HLM, datant des années 50 et composée de plusieurs immeubles de 5 à 8 étages, occupés exclusivement par des Blancs. Y entrer est pour moi comme entrer dans une dimension parallèle, bien que jamais vraiment rénovée en 60 ans, ces immeubles sont comme neufs. Pas un tag, pas une dégradation. Les communs, comme les caves, sont nickel et bien entretenus. C'est impressionnant. Bien sûr, tout n'est pas rose, et il vit dans cette cité de bons gros cas sociaux blancs, mais vous pouvez laisser votre voiture ouverte et sortir le soir sans aucun souci. Petite anecdote pour finir, j'ai appris que ce quartier était une grande plaque tournante du trafic de drogue et qu'il alimente des grandes métropoles principalement en cocaïne, les dealers des grandes villes venant tous s'y approvisionner. Je n'ai pourtant rien vu de louche, et pour cause. Le trafic étant géré par des cassos blancs du coin qui ne travaillent qu'avec des jeunes qui ont grandi avec eux dans cette même cité. Ces types peuvent être très dangereux, fonctionnent donc de manière totalement fermée et en ne traitant qu'entre eux, c'est-à-dire entre blancs, ce qui rend le travail des gendarmes très difficile. Loin de moi de faire l'apologie de ces dealers qui, pour moi, doivent être traités comme le fait le très respectable Duterte, mais leur manière consciente ou non de se communautariser racialement mérite d'être relevée et souligne parfaitement l'âme des races. Contrairement aux métèques qui pratiquent les mêmes trafics dans des lieux similaires, les blancs ne détruisent pas leur habitat et ont même tendance à l'améliorer. Ils n'agressent personne gratuitement, mais peuvent par contre se montrer bien plus violents et dangereux que les autres quand quelque chose les menace. À méditer. Sur ce, je vous remercie de m'avoir lu, et ne peux que vous féliciter pour le superbe travail que vous faites. Salut à la victoire ! Et c'est signé un Arien. Alors merci pour ce témoignage. On en apprend un petit peu plus hein, sur la politique de peuplement chère à Manuel Valls. Je le confonds avec Emmanuel Macron, bon, la continuité est là. C'est la politique qu'avait annoncé Macron, et plus récemment, c'est ce que dit notre auditeur dans son courrier, et qu'on avait abordé par le passé, c'est la question des fameux internats voulus par Blanquer, qui consistent à... Internats d'excellence. Enfin, d'excellence. Nègre, d'excellence. Donc qui consiste à ventiler les négros dans les campagnes françaises pour s'assurer que ces nègres baissent des jeunes blanches. On va résumer un peu le projet de cette République juive. Alors, qui veut réagir à ce courrier ? Il y a effectivement des HLM, il y a des cassos blancs qui font les types font du trafic de cam qui est vraiment pas quelque chose à encourager, même c'est quelque chose qu'il faut combattre a priori. Ça n'est pas la chimpanzerie qui peut se passer dans des quartiers nègres et compagnie. Après, est-ce que c'est vraiment un exemple à prendre? Je relève ça, mais... Non, c'est pas un exemple à prendre, mais disons qu'il veut pointer du doigt. Ce que ça débunk, pardonnez-moi ce néologisme, ce que ça fait éclater, c'est tout l'argumentaire marxiste sur les causes des problèmes que rencontrent les quartiers populaires, comme ils les appellent, ouais. C'est-à-dire les quartiers ethniquement remplacés et où ne vivent que des nègres et des arabes, et pour ne citer que cela. Après, pour reprendre un petit peu l'historique de ce qui a pu se passer, par exemple, dans des coins comme Marseille, où la chose était gérée par des Corses au départ, dès que les Arabes vont arriver, tu peux être sûr, il y aura des guerres interraciales d'abord, mais au final, tu en arriveras à une interdépendance entre les deux ethnies, puisque chacun va vouloir prendre ses sauvages. Les Bougnoules vont s'allier avec des Corses, et les Corses vont être tout heureux d'avoir des sauvages hommes de main, et au final vont finir par se faire bouffer. Donc, c'est ce qui s'est passé à Marseille, et ce qui se passera probablement dans ce coin-là. Donc c'est bon, c'est une première étape avant le grand saut. Quelqu'un d'autre sur la diversification des villages les plus reculés, le déplacement des problèmes, pas particulièrement. Non, juste cette histoire de trafic de drogue me fait penser à un documentaire que j'ai vu récemment sur la fraternité aryenne, donc un gang américain. Ouais. Où en fait, tu en avais déjà parlé une fois, Gandalf, d'ailleurs, dans une émission, où en fait, en prison, forcément, les Blancs sont en minorité. Ouais. Mais la fraternité aryenne, quand elle est présente dans les prisons, c'est pas tout le temps le cas, en fait, c'est elle qui gère limite la prison. Les types sont très peu nombreux, hein. Parce qu'en fait, ils se limitent sur la qualité de leurs membres. Et juste, ils font des trucs de gogol, genre du trafic de drogue, par exemple. Mais juste, ils le font bien, quoi. C'est-à-dire que même quand on fait de la merde, nous, en tant que Blancs, bah, on a une stratégie. Donc, par exemple, effectivement, comme dit notre auditeur, on ne va pas dégrader l'espace sur lequel on travaille, ni faire chier les riverains, parce que c'est contre-productif, quoi. Alors que les métèques, eux, bon, bah, ils s'en foutent, hein. Les Blancs sont... Ils n'ont aucune stratégie. Dans les prisons américaines, les Blancs sont les plus dangereux d'entre tous, hein. Ils sont extrêmement dangereux, hein. Puis on va surtout éviter de faire des chimpanzeries et du bling-bling. Quoique je pense que les Arabes sont quand même moins bling-bling que les nègres à ce niveau. Mais l'espèce de culture délirante là, du gangsta arabe qui d'ailleurs infiltre les milieux populaires blancs est vraiment délétère. Je pense que les vrais dealers essaient vraiment à tout prix d'éviter ça. Je suis d'accord avec toi, McDav, le bling-bling, c'est bien plus un truc de nègre que de bougnoule. D'ailleurs, la sapologie, ça, c'est un truc phagocyté par les nègres. Ah, bien sûr. Non, c'est pas phagocyté, c'est leur truc. C'est une, pour le coup, si les nègres ont inventé quelque chose, c'est ça, c'est la sapologie. Ah, ben, ils ont inventé un truc. Ils ont inventé le porte-document, s'ils ont inventé. Ils ont inventé le porte-document. Ouais, c'est un nègre qui porte des trucs, qui porte des papiers. Non, mais c'est quand même, il y a quand même un caractère sinistre dans la politique. Non, parce que en France, moi, il y a quelque chose qui me pose problème. Ça rejoint la question du fisc. C'est-à-dire qu'il y a un tel étatisme ambiant, je veux dire au plan culturel. Il y a une telle déférence, une telle obséquiosité vis-à-vis de l'État a priori de la part des gens. C'est-à-dire que les gens sont a priori bienveillants vis-à-vis de l'État en pensant que l'État est là pour les materner. Alors qu'en réalité, c'est une organisation en France pratiquement un caractère mafieux, ça me laisse toujours assez sans voix, quoi. Je trouve, enfin, ça me surprend à chaque fois de voir de cette candeur vis-à-vis de l'État. Et cet épisode le démontre, quoi. C'est-à-dire que c'est parce que c'est ça le caractère. Ça, c'est une politique centrale, hein. Ça se voit, quoi. C'est méthodique. Et les types vous déplacent les nègres de la banlieue parisienne dans les villages les plus reculés, enfin via les internats, etc., dans les communes où se situent donc ces établissements scolaires. Et en même temps, ils vous implantent carrément des maisons, c'est-à-dire ils sponsorisent les nègres pour aller s'installer à la campagne. C'est ce qui est en train de se passer, quoi. Ça, c'est un État qui est hostile. C'est le comportement d'un État hostile. Donc je sais pas si... Enfin, je comprends pas, moi, L'État, avec les petites mains que sont les assistants sociaux. Voilà. On ne parle pas assez de ces terroristes. Moi, je n'ai pas peur de nommer ces créatures-là comme étant des terroristes. Hein, qui sont là à éplucher les dossiers, à avoir des noms à consonance djihadiste. Pour dire, ah tiens, oui, nous allons faire en sorte que ces gens-là s'implantent, qu'ils puissent prospérer de la plus forte des manières. Et ils vont te trouver oui, mes chers amis, si vous allez à 100 km, tel jour, à telle heure, déposer tel formulaire, hein, parce que la France est le pays où le CERFA Oui, vos lettres du pape, hein, quasiment, eh bien, tu auras droit à une maison gratuite, hein, ou alors, en tout cas, à 150 ou 200 euros par mois. Donc, ouais. Ça, c'est la chose qui me fait dire, et qui devrait faire dire à tout le monde, que l'État français doit être démembré, démantelé de toutes parts. En plus de ce qu'on peut voir du côté de l'épidémie de Covid-19. Alors, Marine Le Pen s'inscrit en faux, hein. Marine Le Pen Oui, aime Marine Le beaucoup Pen veut nourrir l'État. des nègres de Voilà, Mayotte. Oui. oui. Bien sûr, oui. Voilà. Chacun ses priorités. Chacun ses priorités. Quelqu'un d'autre sur ce courrier ou je passe au courrier suivant? D'accord. Bon, on remercie notre auditeur de nous avoir tenu informé des plans diaboliques de la juiverie républicaine pour les campagnes françaises. Voilà. Au moins, on est au courant. On le savait, mais c'est toujours bien d'avoir des témoignages de première main. Alors, courrier numéro 2, très intéressant. On va s'intéresser un petit peu à notre virus, hein, notre coronavirus, le Covid-19. Bonjour à vous, chers démocrates participatifs. En tant que médecin réquisitionné pour aider à faire passer cette crise épidémique, j'aimerais partager avec vous ce qu'il se passe dans les hôpitaux qui répondent tous aux ordres de la République juive. Premièrement, il faut savoir que la totalité des hôpitaux publics et privés du territoire sont vides. Dans cette grande guerre menée contre le coronavirus, toutes les autres pathologies sont reléguées au second, voire au troisième plan. Ce que ceci veut dire, c'est que toutes les hospitalisations programmées, les chirurgies programmées de personnes qui ont réellement besoin de soins sont annulées. Les gens ayant pour consigne de rester chez eux pour ne pas attraper un rhume finissent par mourir chez eux d'une insuffisance cardiaque, par exemple, pour laquelle ils n'auront pas eu la prise en charge nécessaire dans un délai donné. Car il faut savoir que cette panique généralisée ayant poussé au confinement dans le but d'enrayer la propagation d'un virus qui est déjà là, fait que la totalité des médecins libéraux, aussi bien généralistes que spécialistes, ferment leur cabinet. Les patients ne voient donc plus de médecins et personne ne peut donc évaluer une éventuelle dégradation de leur pathologie chronique et ainsi les orienter vers un service hospitalier. Cela fait donc plus de 2 semaines en France, occupée, que la quasi-totalité des médecins et chirurgiens sont au chômage technique. Actuellement, aucun de nous ne comprend ce qu'il se passe. Nous nous demandons tous où sont passés ces patients qui remplissent nos services toute l'année. Les patients, ressentant des symptômes inhabituels, ont donc pour consigne de d'abord appeler le 15 afin qu'on leur dise quoi faire, rester chez vous ou bien aller aux urgences. Voici un exemple pour vous montrer l'absurdité de cette consigne. Un patient ressentant une légère douleur thoracique en basse droite avec une légère toux et un peu de fièvre, le centre 15 lui dira que ce sont des signes fréquents de l'infection Covid-19 et qu'il doit rester chez lui, ça passera dans quelques jours. Pas de chance, c'est en fait une embolie pulmonaire et le patient peut se retrouver en état de choc hypovolémique à tout moment, en plus de nécroser ses poumons. On ne fait pas de diagnostic par téléphone, sauf en cette période, visiblement. Parlons maintenant des seuls services hospitaliers qui continuent de tourner à plein régime, les urgences et les unités Covid. Les urgences servent à filtrer les patients les plus suspects d'infection Covid ou bien les patients qui peuvent avoir de vraies urgences vitales que l'on doit prendre en charge très rapidement, comme à leur habitude. Il faut savoir qu'un patient Covid que l'on considère comme un individu fragile, soit moins de 70 ans avec des antécédents importants ou plus de 70 ans, sera hospitalisé dans ces unités Covid. J'ai été réquisitionné il y a un moment pour travailler dans une de ces unités. À quoi ressemble-t-elle? Les services hospitaliers, totalement vides, dont je vous ai parlé, sont réquisitionnés pour y entreposer des patients Covid. Avant d'être transférés des urgences vers ces unités, ces patients sont étiquetés. Soit ils ont moins de 70 ans et on les étiquette comme réanimables, s'ils se dégradent, nous ferons tout ce qu'on peut pour essayer de les sauver. Soit ils ont plus de 70 ans et on les étiquette LATA, qui veut dire limitation et arrêt des thérapeutiques actives. Je vais tenter d'expliquer brièvement ce que l'on fait pour un patient réanimable et ce que l'on fait pour un patient en LATA dans ce genre de situation. Je rappelle que le tableau clinique d'une infection sévère au coronavirus correspond à une pneumonie, une infection des poumons qui s'attaque aux alvéoles pulmonaires. La phase terminale de ce type d'infection correspond en général à ce qu'on appelle un choc septique à point de départ pulmonaire. Le germe initialement présent dans les poumons et les voies respiratoires passe dans le sang et s'attaque à tous les organes vitaux, le cœur, le cerveau, le foie, les reins. Tout ceci entraîne un coma qui gêne davantage la respiration, une hypotension artérielle car le cœur ne peut plus fonctionner correctement, une augmentation de la toxicité dans l'organisme, soit à cause des médicaments, soit à cause des déchets produits par notre corps en permanence, car le foie et les reins ne fonctionnent plus. Un patient réanimable dans notre service, il arrive avec de l'oxygène pur aux lunettes ou au masque pour l'aider à respirer. Nous adaptons le débit d'oxygène en fonction de ses besoins, estimé par la saturation en oxygène, et dans la majorité des cas, nous ne touchons absolument pas à son traitement. Nous rajoutons des antibiotiques en comprimé dans certains cas, ils ne sont pas du tout prescrits de manière systématique. Les médicaments qu'il prend à la maison, nous les lui donnons, et nous ne faisons rien d'autre. Ces services que l'on nous présente comme des zones de guerre, totalement débordées, sont en fait des unités de surveillance où nous ne faisons presque rien. Je n'ai jamais eu de journée aussi tranquille que depuis le début de cette crise. Si un de ces patients se met à décompenser, à passer dans un état de détresse respiratoire aigu avec une hypotension artérielle, un pseudo-coma, etc., le protocole nous dit de l'intuber, de perfuser ce patient avec 2 ou 3 litres de solution salée pour 3 heures pour faire monter la pression artérielle et ainsi irriguer les organes vitaux. De balancer des antibiotiques en intraveineuse, de balancer de la noradrénaline en intraveineuse si le remplissage par la solution salée n'a pas fonctionné comme prévu. Tout ceci afin de stabiliser les fonctions vitales pour laisser le temps aux antibiotiques de faire leur travail. Je suis passé plusieurs fois dans des services d'urgence et de réanimation, je sais donc que l'âge n'est pas toujours le facteur déterminant quand nous décidons de réanimer un patient ou non. J'ai déjà vu des tentatives de réanimation chez des patients de 80 ans passés, car il y a une maxime que nous aimons répéter pour nous donner bonne conscience, nous avons une obligation de moyens, mais pas de résultats. Ce qui veut dire que n'importe quel patient qui arrive entre nos mains, nous devons de faire tout notre possible pour le sauver, même s'il s'avère que c'est mal parti dès le début. Parlons maintenant des patients LATA en unité Covid. Ceux-là ont donc souvent plus de 70 ans. Comme les jeunes, ils arrivent dans nos services avec de l'oxygène sous le nez, le plus souvent avec un débit de 2 à 3 litres minute. Si jamais ces vieux patients commencent à nécessiter un débit plus important d'oxygène, de 6 à 7 litres minute, ce qui peut être expliqué par le fait que ces vieillards traînent leur pneumonie depuis environ 7 jours le plus souvent, vu qu'on leur a ordonné de rester chez eux, on considère qu'ils ne survivront pas à leur infection. 6 ou 7 litres minute d'oxygène, c'est la limite entre la vie et la mort dans ces unités. Une fois ce stade atteint, l'étiquette LATA entre en jeu. Considérant que ces vieilles personnes vont de toute façon mourir, vu qu'on ne les réanimera pas, coucou l'obligation de moyens, nous leur injectons un cocktail de morphine et d'hypnovonelle en intraveineuse. Ces deux molécules, nous les utilisons par ailleurs en soins palliatifs. Elles induisent un coma artificiel, effet bien connu, et elles ont également un effet dépressif respiratoire. Elles ont en effet un effet décontractant musculaire, particulièrement au niveau des muscles respiratoires, diaphragme, muscles intercostaux, muscle du pharynx et entraîne donc une asphyxie médicamenteuse. Les médecins si attachés à l'éthique appellent ça une mort douce. Dans ces unités, nous tuons donc artificiellement des patients que l'on condamne dès leur sortie des urgences. À aucun moment nous ne cherchons à faire de la médecine avec eux. Ces décès sont ensuite comptabilisés comme victimes du coronavirus alors qu'ils sont en fait les victimes des médecins français. Parce qu'on ne les soigne pas, hein, c'est ça qu'il dit. Les familles de ces victimes ne peuvent même pas se rendre compte de quoi que ce soit. Avec ce confinement, les jeunes patients n'ont droit à aucune visite. Les patients en fin de vie, ceux qui ont bénéficié du cocktail LATA, ont droit à une seule visite par jour. Les proches doivent donc se mettre d'accord pour décider de qui ira voir le futur mort. Et ce visiteur n'aura pas le droit de visiter à nouveau dans la semaine en cours. Ils n'ont donc aucun moyen d'apprécier l'évolution clinique de leurs proches, car nous tenons rarement plus d'une semaine sous morphine et hypnovelle. Nos politiques sont donc en train d'orchestrer des décès à la pelle dans les hôpitaux et utilisent ces morts pour créer une psychose générale dans un but que je n'arrive pas encore à visualiser. Et c'est signé « Docteur sûr de lui-même et dominateur ». Alors, j'ai déjà eu l'occasion de faire... Merveilleux ! Alors, j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que j'en pense. Je pense que sur le site, on a aussi commencé à développer, à donner des éléments de réflexion au niveau macro, mais alors là, on a quelqu'un qui est sur le terrain, il a tout expliqué en détail, donc maintenant, je vous demande vos réactions face à ce courrier quand même sidérant, hein, sidérant et vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, le virus tue juste parce qu'on s'occupe trop du virus, quoi, pour résumer. Surtout que moi, je sais que passé 50 ans, même vous pouvez faire le calcul dans vos fréquentations, c'est assez courant de voir des gens qui ont une pathologie mineure et puis ou plusieurs pathologies mineures. Et genre, je sais pas, moi, je sais que dans ma famille, par exemple, il y a des problèmes de thyroïde et on prend le fameux médicament, vous connaissez tous, la levothyrox. C'est un truc qui se soigne très bien, il n'y a aucun problème. Très très courant, qui pose aucun souci de santé, seulement il faut le faire régulièrement, il faut juste en tenir compte. Et s'il y a des patients qui restent chez eux et juste par exemple ils n'ont pas un approvisionnement en, par exemple en levothyrox, je prends cet exemple, ça pourrait marcher avec beaucoup d'autres exemples, et ben du coup il y a un tel terrorisme intellectuel à rester chez soi, coûte que coûte, parce que c'est la fin du monde, on va tous mourir, que finalement ces gens après ils arrivent dans des états vraiment désastreux à cause d'une propagande du virus, mais pas le virus lui-même. Oui, tout à fait. Il y a aussi, bon, bah, dans ce qu'il explique, bon, déjà, parce que moi, je crois effectivement qu'on est dans une opération de manipulation de l'opinion publique à grande échelle. C'est ma conviction, et c'est apparemment la conviction aussi du médecin qui se trouve sur le terrain. Mais il n'a pas évoqué le. Il se demande pourquoi. Pourquoi fait-on ça? Pourquoi crée-t-on ces psychoses? Quel est le but? Bon, ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais disons que ce qu'il nous dit sur le terrain, lui, en tant que médecin qui est dans une de ces unités, il dit, on s'emmerde, il n'y a rien à faire, pratiquement rien à faire. On est là, c'est calme, il se passe trop rien, et il ne se reconnaît pas du tout dans la description qui est faite par les grands médias comme BFM TV, hein, propriété de Drahi, je le rappelle, qui nous décrit au contraire des unités qui sont en train de crouler, des gens qui sont sur la rupture, etc. Donc là, il y Les grands a. médias, et comme nous l'avons esquissé la semaine dernière, les infirmières, hein, Oui, dont on a beaucoup parlé sont aussi. les poilus du 21e siècle, Oui, faut il faut le rappeler. qui vont au front. Alors, et ce qu'il dit, il dit en fait, ben non, c'est-à-dire que c'est le confinement qui tue. C'est-à-dire que les gens qui ont des vrais problèmes de santé peuvent pas consulter. Quand finalement on accepte de les traiter parce qu'on les a. Bon, bah, ils arrivent sur place, bon, c'est déjà mal engagé. Si vous avez plus de 70 ans, ils vont rien faire pour vous, c'est ce qu'il dit, hein, vous avez plus de 70 ans, désolé, au revoir, on s'occupe pas de vous. On vous aide à mourir. C'est plus de 70, on vous aide à mourir. Même, Et. même la médecine, enfin les soviétiques faisaient, quand les gens étaient malades, qui n'allaient pas bien, on leur disait, enfin, on les obligeait quasiment à aller dehors, aller prendre le soleil, faire de la vitamine D. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, tu vas pas bien, on te confine, reste dans ta cage à lapin, ne sors pas, et si tu sors, que tu t'éloignes d'un mètre de là où tu devrais pas aller, tu vas payer 135 euros. C'est ça que. Bon, c'est ça la médecine du 21e. Enfin, on est en plein Moyen-Âge, hein, au 21e siècle. Il faut voir un petit peu la chose. C'est de l'amateurisme, de l'improvisation totale. Tu as les médecins. Moi, je m'amuse à regarder les journaux de France Télévisions. Tu as des journaux de tous les jours, t'as pendant 5-10 minutes, tu as un docteur qui vient, c'est toujours le même. Il t'explique, il y a 5 jours, il t'expliquait, oui, non, mais les masques improvisés ne servent à rien, parce que si, parce que si vous êtes, si vous croisez des gens contaminés, ben si les gens vont vous contaminer quand même. Maintenant, on nous dit le contraire, parce que il faut dire le contraire. Et les gens ne bronchent pas. Il y a une vérité officielle, des scientifiques, des docteurs, etc., qui passent d'une position à l'autre, mais pff, comme ça. C'est-à-dire, les types sont censés, enfin, se prévalent en tout cas, de savoir des trucs, mais ils ne savent rien. Ils ne savent rien, puisque de 2 jours sur l'autre, il raconte absolument le contraire de ce qu'ils avaient dit 2 jours avant. Oui, donc pour moi, pour moi, il y a une vraie mise en scène. Hein. C'est une mise en scène médiatique. Et je suis content d'avoir reçu ce témoignage de première main, puisqu'il corrobore les hypothèses que, à titre personnel, je formulais, un certain nombre d'autres personnes formulaient, qui, en fait, tendent à. Enfin, à mon avis, hein, c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, cette mise en scène a un but politique au niveau occidental. Hein. Parce que quand on s'intéresse au plan médical, quand on analyse la situation sous son aspect médical, et que, par exemple, comme ce médecin le fait, on se rend compte que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas géré, comment dirais-je, comme une crise sanitaire devrait être gérée. Tout est fait en dépit du bon sens. Et à tel point qu'il se demande même si on n'est pas en train d'essayer de gonfler artificiellement les morts, hein, en ne soignant pas des vieux, tout simplement, sous prétexte qu'ils sont vieux. Simplement parce qu'on a besoin de faire du chiffre sur les morts. Et je suis assez convaincu de ça. Je suis assez convaincu de ça. Je pense que depuis l'origine, on est en train de transformer ce virus en espèce de menace existentielle qui, pour moi, est totalement infondée, enfin totalement extrapolée, c'est considérablement exagéré. Mais qu'il y a des gens qui ont des idées en tête, des groupes d'intérêt qui ont des idées en tête. Et moi, je suis désolé. Je veux dire, les chiffres qu'on nous avance n'ont rien de. Enfin, je veux dire, à aucun moment, les bilans qui nous sont présentés, c'est-à-dire en France, je crois aujourd'hui, peut-être 7 000 morts, 7 000 morts, ce n'est pas du tout en rapport avec le bouclage complet de l'économie. On n'est pas face à une épidémie dévastatrice. Hein? Très clairement. Très clairement. Mais les gens sont convaincus qu'ils vont mourir. Et donc là, grâce à ce témoignage, on passe de l'autre côté du décor et on se rend compte que non, les unités ne sont pas du tout saturées par des gens qui sont en train d'agoniser, alors que selon les modèles, et c'est les modèles qui ont justifié la doctrine de l'État français et la position de Macron, il y allait avoir des centaines de milliers de personnes en besoin de consultation, quoi qu'il arrive, en dépit d'un confinement très, très, très strict. C'était déjà annoncé. On disait, voilà, même si on fait un confinement très strict, il y aura des centaines de milliers de personnes qui auront besoin d'aller à l'hôpital. Donc, ils avaient dit, de toute façon, on ne pourra pas éviter, comment dirais-je, la crise sanitaire. Or, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent non. Non, non, on n'est pas pris d'assaut. On n'est pas dans une situation de saturation. Sauf peut-être dans quelques points très précis où il y a peut-être une convergence qui se fait, des cas, mais sinon, non. Donc, je crois qu'on est vraiment, dans une dramatisation voulue. De la part des médias. Je le crois vraiment. En sachant que tout ça est piloté par l'OMS. Hein. Tout ça est piloté par l'OMS. Hein. Donc c'est des espèces de structures internationales. On sait qu'il y a toujours des fondations, des financements, notamment bon, la fondation Soros, mais parmi d'autres, quoi, qui financent ça. Bon, ça passe ensuite par des conseils d'experts, mais personne ne les connaît. Il y a des modélisateurs. Ils arrivent avec des chiffres qui étaient terrifiants, etc. On ne peut pas les vérifier parce que par définition, ce sont des hypothèses. Et bon, voilà. Et sur le terrain, bah, sur le terrain, c'est sans rapport avec ce qu'on nous dit, quoi. Sans rapport avec ce qu'on nous dit. Donc, quelqu'un veut dire ajouter quelque chose sur ce que nous dit notre auditeur? Cette, comment dirais-je? Tant sur la façon l'État réagit que sur le fait qu'on laisse crever comme ça les septuagénaires. Ouais, enfin, il laisse crever en fait. Ah, mais sciemment, je veux dire, c'est presque le but recherché, on a l'impression, je veux dire. Tu vois, Ouais, à mon avis, c'est plutôt parce qu'ils attendent à ce que leur capacité de réanimation soit surchargée. Donc, c'est une précaution pour sauver des plus jeunes. Donc, je n'aurais pas de commentaire particulier à faire sur cet élément-là. Moi, ce que je tiens à noter, c'est vraiment l'honnêteté de l'auditeur, de nous dire qu'il se tourne les pouces, quoi. En gros, voilà, hein, effectivement, tu as des trucs qui sont surchargés, mais Verdun 2.0, c'est quand même une énorme blague. Hein. Bon, ben, je n'en étais pas forcément convaincu. Après ce courrier, je le suis. Oui, en tout cas, à Ouais. part le Grand Est, semble-t-il, c'est pas Verdun, comme tu disais. Bon, il faut savoir que la maladie, c'est un business, hein, pour des entreprises comme Big Pharma, qui sont implantés partout dans le monde, qui proposent un traitement à 230 euros pendant que le professeur Raoul propose un traitement à 12 euros. Donc, il n'y a rien qu'à voir la logique du fake. Plus évidemment, Bill Gates, qui est un grand promoteur des vaccins et qui veut que tout le monde soit vacciné. Donc, alors, il était apparu comme quelqu'un de bienfaiteur aux yeux de certains naïfs parce qu'il avait donné de l'argent à certaines fondations, justement, lié à l'OMS, etc. Mais en fait, c'est pour. Parce que lui-même, il a mis des capitaux là-dedans. Donc, il va retrouver, il veut retoucher son pognon. Et après, effectivement, ça pourrait apporter un débat plus vaste sur l'efficacité des vaccins historiquement, etc. Là, celui qui serait en cours de préparation, il serait lié au soi-disant vaccin contre le VIH, contre le sida. Alors que le virus lui-même du sida. Bon, on sait que Montagnier, professeur Montagnier, avait eu un prix Nobel pour ça, mais il a reconnu lui-même ensuite qu'il n'avait pas reconnu, qu'il n'avait pas suivi tout le protocole scientifique et que par conséquent, ils avaient été trop vite en besogne et qu'il y avait bien une forme d'immunodéficience, mais qu'en gros, les populations qui souffraient de ça, c'était ceux qui étaient avant tout en Afrique et tout ça, très pauvres, et en accédant à l'eau potable, ils s'en sortiraient beaucoup mieux. Donc déjà, il avait lui-même, il était revenu sur sa propre découverte. Donc comment faire un virus sur un vaccin? À propos de quelque chose qui n'était pas identifié. Ces travaux de vaccin, jusqu'à présent, n'ont abouti à rien, mais serviraient quand même de base à un vaccin contre le coronavirus. Alors là, bon, moi, à titre personnel, j'ai le sentiment, il y a plus de 1 000 productions d'études scientifiques, de virologues, etc., qui pensent que les vaccins, notamment contre la grippe et compagnie, sont très mauvais pour la santé, ont une influence notamment sur la sclérose en plaques, le développement de l'autisme, Alzheimer, enfin bon. Mais ça reste encore évidemment débattu, puisque tout le monde n'est pas d'accord, et puis évidemment, mais tout ça, ce que je voulais dire, c'est simplement que la maladie, c'est un business, quoi. Oui, c'est bien observé. Nos auditeurs ont bien compris qu'Alexis nous avait rejoint. Merci de ton point de vue, Alexis. Oui, je partage. Alors, pour que j'explique, moi, je veux dire, ma perception de la situation. Bon, parce que quel est l'objet de cette espèce de psychose qui est alimentée très agressivement, et pas qu'en France, par les médias? Pour moi, l'objectif, c'est une. Je crois que le but fondamental, c'était de précipiter une crise économique. Pour justifier des mesures d'exception, mesures d'exception qui sont en train d'être adoptées. Et quand on dit provoquer une crise économique, c'est au sens strict. Là, c'est incontestable. On a placé l'économie occidentale à l'arrêt, ce qui provoque une crise économique. Je crois que c'était voulu, et je crois qu'ils se sont. J'en avais parlé la semaine dernière. Il y a eu un. Ils avaient créé une simulation. Donc c'était avec vraiment le gratin, hein. Là on avait affaire à des gens très importants, des gens du Pentagone, des gens de fondation, des gens de l'OMS, etc. C'était aux États-Unis, ils avaient créé en octobre 2019 une simulation de pandémie pour voir quelles seraient les réactions des gens. Ça s'appelait Event 201, je crois. Bon, il y a des vidéos là-dessus, et le Forum économique de Davos s'en est récemment fait l'écho. Récemment fait l'écho de ça. Et a l'air très enthousiasmé par cette pandémie. Visiblement, les gens qui se trouvent à Davos chaque année, dont M. George Soros, sont très emballés par ce risque pandémique, et ils ont déjà des solutions. Et ils le disent, voilà, dans nos simulations ceci, dans nos simulations cela, il va falloir des réponses coordonnées, etc. Bon, ah, des réponses coordonnées, tiens, tiens, passant par le Forum économique de L'ONU, Davos. hein, Voilà. Bon, donc on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se met en place. Que tout ça, ils le disent, hein, il faut coordonner entre les États, il faut coordonner entre les grandes entreprises. Ah tiens, il faut coordonner, donc pilotage, hein, visiblement. Et effectivement, comme l'a très bien dit Alexis, on a des noms qui émergent, dont Bill Gates. Effectivement, Bill Gates, aux États-Unis, a dit qu'il fallait un confinement de 10 semaines, 2 mois et demi de confinement. C'est ce qu'il est en train d'exiger sur tous les grands médias aux États-Unis. Bon. Il est par ailleurs membre, avec d'autres, d'un programme qui s'appelle ID 2020, dans lequel l'objectif est de surveiller la totalité de la population mondiale, avec des programmes informatiques, etc. Je veux dire, alors, on parle même pas d'implant, parce que là, on serait au niveau de la nanotechnologie, si vous voulez. Donc, vous savez, les puces qu'on imaginait jadis, bon, on a oublié, ça c'est déjà moyenâgeux. On serait enfin, ils sont sur des projets, ce ne sont que des projets, hein. Je ne dis pas que ça va se faire. Mais c'est ce qu'ils recherchent, c'est très officiel, hein. Cherchez programme ID 2020, Bill Gates, vous allez trouver ça tout de suite. Il y a l'idée de surveiller toute la population avec des implants de taille nano. Voilà. Alors bien sûr, c'est pour votre bien, et notamment pour votre vaccination. Alors il y a des gens qui commencent à se dire, oui, ben, la vaccination va peut-être devenir obligatoire. Alors elle est déjà en France, hein, par la loi, vous savez que ça a été mis en place, mais peut-être que ce futur vaccin va peut-être participer de quelque chose de plus large qu'on ne connaît pas encore. Hein, on ne sait pas. Oui. Donc il y a des gens qui travaillent, des gens très influents qui travaillent, des grandes fondations qui travaillent. Je signale aussi que, vous savez, parce que je l'ai vu même sur BFM TV, ils utilisent une cartographie de l'expansion de la maladie, vous savez, et ça vient de John Hopkins aux États-Unis. Alors cette carte est extrêmement effrayante, puisqu'on voit des gros cercles rouges qui vous donnent l'impression d'une saturation complète des pays. Vous savez, vous avez des gros points rouges comme qui sortent de partout. Les cercles qui sont gros, c'est que c'est grave. Voilà. Et en fait, c'est démesurément grossi statistiquement. Ça a été, vous pouvez vous renseigner, John Hopkins, etc. Les gens disent, cette carte, ce visuel, est conçu pour faire peur. Or, on sait qu'Hopkins a touché de l'argent de gens comme Bill Gates et Soros. On le sait. C'est public. Ce sont des institutions qui touchent constamment des centaines de millions de dollars de la part de ces grandes fondations qui appartiennent à des oligarques américains qui ont souvent des origines polonaises, n'est-ce pas ? Donc, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et je crois que le but, c'est de prendre... Parce qu'il y a d'abord, rappelez-vous, il y a eu des grands troubles sur les marchés financiers, les places boursières. Je crois que le but, c'est de prendre le contrôle de l'économie. C'est strict, au sens strict, vraiment, de manière dirigée. Voilà. Et je crois que tout ça, j'en suis à peu près convaincu, tout ça est voulu, est recherché. Et on a besoin d'une psychose. Je discute avec un certain nombre de Français. Ces gens sont certains de risquer la mort en sortant de chez eux. La peste noire. Ils en sont convaincus. Ils sont convaincus qu'ils vont mourir s'ils sortent de chez eux. J'ai essayé de discuter avec un certain nombre d'entre eux en leur enseignant d'éveiller chez eux un petit peu le sens critique. En disant, regardez, les chiffres qu'on vous présente, il faut les interroger. Je veux dire, on vous dit, voilà, il y a le taux de mortalité en Italie, il est 10%. Attention, 10% de personnes qui sont... 10% des personnes testées positives au coronavirus. Qui sont vieux, obèses et diabétiques. Voilà. Et dont on... Et je me permets d'ajouter... Et simplement une chose dont on sait statistiquement à peu près en Italie que seulement 1% d'entre ces personnes qui sont décédées sont mortes du seul coronavirus. C'est-à-dire que 99% des personnes qui meurent en Italie ne meurent pas en réalité nécessairement du coronavirus. Ils meurent parce qu'ils sont effectivement, comme l'a dit Derek, âgés, en surpoids... avec des problèmes de santé préexistants, et le coronavirus, si vous voulez, comme n'importe quel virus, c'est la goutte d'eau. C'est un accélérateur. C'est un accélérateur. C'est un accélérateur. Quelqu'un qui est déjà qui bourrait de médicaments, maladie chronique, qui a de l'hypertension, du diabète, qui est obèse, le truc arrive là-dessus, le coronavirus arrive là-dessus, qui est plus gros qu'une grippe, bon, ben, les mecs se font cueillir, ben, c'est normal. Est-ce que des gens dans la pleine force de l'âge, qui sont non-fumeurs, qui ne sont pas obèses, qui ne sont pas diabétiques, doivent flipper face à ce truc-là ? Eh bien, non, très franchement, non, arrêtez. Sur l'Italie, je me permets d'ajouter quelque chose qui est en lien avec ce que j'ai dit avant. Remuzzi, professeur Remuzzi de l'Institut de virologie de Milan, a dit qu'à l'automne, il y avait eu des pneumonies très particulières qu'il n'avait jamais vues. Et il a fait le lien, lui et d'autres, ont fait le lien avec une grande campagne de vaccination contre la méningite, suite à un cas de méningite importé par un migrant africain, et donc les personnes âgées ont été considérées comme vulnérables. Alors on a vacciné à tour de bras à Bergame et à Milan, et pour certains, ça aurait fragilisé ces personnes encore. Et puisque bon, dans les vaccins, il y a quand même de l'aluminium et tout ça, donc bon, pour des personnes qui sont vraiment très âgées, c'est pas forcément très très bon. Bon, ça a été repris par Concarde à ça, que je sais qu'il est parfois délirant, mais enfin, il est quand même chirurgien, donc il a accordé du crédit à ça. Et un dernier truc que je voulais dire sur vaccins et sur notre sujet, c'est que Raoult, professeur Raoult, avait écrit un livre qui s'appelle justement La vérité sur les vaccins. Et il y a une vidéo qui fait 1 million de vues avec Patrick Cohen, etc. Oui. Et c'était suite à, comment dire, à Agnès Buzyn qui avait imposé les 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons. Et lui, il avait dit qu'il n'y en avait qu'un qui était nécessaire, les autres ne l'étaient pas. Alors, sur le plateau, on le harcèle, on lui dit, mais attendez, mais on se protège à chaque fois qu'on se vaccine, pourtant, pourquoi vous refusez ça? C'est bon pour les petites. Oui, mais si c'est pas nécessaire, on le fait pas, enfin, etc. Donc, il était resté très, très médiant, très modéré, mais il était agressé de partout. Et c'est vrai qu'on sait que le mari de Buzyn, Lévi, Lévi le déteste, Raoult. C'est peut-être réciproque, je ne sais pas. Buzyn déteste Raoult aussi pour avoir contredit sa parole. Voilà, on sait très bien évidemment qui est Agnès Buzyn, son parcours, etc. La belle-fille de Simone Veil. Nous avons aussi appris que Monsieur Jérôme Salomon est l'arrière-arrière-petit-fils de Dreyfus, le traître. Oui. Le monde est petit. Nous avons des gens qui s'occupent qui s'occupent de notre santé. Oui. Oui. Qui sont donc on a nous avons des gens qui sont en charge, enfin qui sont dans la tradition d'exterminer les goïms, hein, Simone Veil et Salomon qui est un traître, hein, par nature. C'est quand même la nouvelle aristocratie, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est la République française. Pour rebondir sur ce que disait notre ami Alexis, puisqu'il a parlé de Raoult et des vaccins, parce que j'ai lu son bouquin, du coup, hein, cette semaine dernière. Il a parlé effectivement du vaccin qui avait eu lieu là sous. Comment ça s'appelle là, la grosse, là. La... Putain, merde. Bachelot, qui avait fait une. Enfin, là, en ce moment, on dit oui, Bachelot, elle avait raison. Non, elle avait raison, rien du tout. Elle avait fait une campagne de vaccination pour le vaccin H5N1, qui était un vaccin qui n'était pas passé, enfin, qui ne se propageait pas entre humains. Hein. Et le vaccin en lui-même, comme il avait été fait de manière tout à fait précipitée, déjà a coûté très cher d'une part, enfin, ça des gens ont payé, d'autres sont enrichis, n'est-ce pas, et d'autre part, du fait que, comme tu as dit, il y avait des adjuvants style aluminium, le vaccin était très mal accepté, enfin en tout cas il y avait beaucoup de cas qui étaient mal acceptés, plus que dans des cas comme le vaccin de la grippe, qui est un vaccin qui est fait à partir d'œufs qu'on fait... auquel on injecte la grippe. Quoi. En gros, ça fait des substances qu'on récupère. Là, c'était une espèce d'usine à gaz où, effectivement, on a empoisonné pas mal de gens. Quoi. Le vaccin H5N1... Il y a des gens empoisonnés. Oui. J'en profite pour saluer des gens qui font des dessins avec des juifs, avec des nez... Oui, Madame Buzyn, oui. Qui dépose des fioles empoisonnées, empoisonnant des puits. Ça me semble raccord. Les Juifs détestent ça. Oui, c'est très oui, ils ont, les Juifs. J'ai vu un long papier dans l'Express. Un long papier dans l'Express. Un très long article. Oui, d'un des commissaires politiques du CRIF. France Inter, c'était d'accord, autant pour moi. Non, mais je crois qu'il y a aussi un truc. Enfin, il y a pas que sur France Inter. Il y a aussi l'article de France Inter était particulièrement long. Hein. Oui, ah oui, ah non, c'était un roman, hein, c'était presque un essai, voilà, impressionnant. Ça les inquiète beaucoup, hein, ils sont très inquiets avec ça, le fait qu'on pointe du doigt que dans cette affaire, au plan décisionnel, il y a des youpins à tous les étages. Alors, comme les gens l'observent et le disent, tiens, c'est marrant, Buzyn, Lévi, Salomon, t'as l'impression que c'est une bar mitzvah. Hop, tout d'un coup, le Kahal se met en mouvement. Bon, bah oui, au bout d'un moment, on est bien obligé de remarquer. Il y a plus de juifs, effectivement, dans cette affaire-là que dans une bar mitzvah de n'importe quel embrouille judaïque. Ouais. Alors, bon. C'est une race supérieure. Hein. En tout cas, une toute petite chose sur le vaccin, normalement, dernière précision, le vaccin contre l'hépatite B, par exemple, il avait mis 10 ans à être élaboré, alors je sais qu'on fait des progrès, soi-disant, mais là, on nous prend un truc en 6 mois, dont un laboratoire israélien qui était parmi les meilleurs, qui était le plus en pointe, l'Institut Migal, bon, ça s'invente pas, Migal, qui avait dit très rapidement trouver un vaccin, c'était relayé par le ministre des Affaires étrangères, dont j'ai oublié le nom, ou le ministre de la Santé israélien, plus exactement. Voilà, donc, bon, on est entre de bonnes mains. Oui, on est entre oui, il disait que c'était une pure chance. C'était beaucoup de chance. Oui, une chance. Qui suit ce peuple de lumière depuis au moins Larry Silverstein hein, et le fait que hein, les tours soient effondrées au bon moment. Hein. Oui, oui, oui. Oui. Ça fait une élection divine. Et il y avait déjà. Mais la race ne fait pas tout. Hein. Par exemple, il y a quelqu'un qui était immunologiste en Pennsylvanie, je crois, qui s'appelait Fundenberg, et qui avait établi un lien entre le vaccin contre la grippe et Alzheimer. Et cette personne a été radiée de l'ordre des médecins, parce qu'il devait sans doute toucher au business, donc contrarier les plans financiers de certains. Donc. Comment dire Non, mais bon, pour moi, je l'ai exposé, hein, je pense qu'on est sur une campagne inédite de grande ampleur d'intoxication de l'opinion, qui repose sur la psychose. Je crois que c'est le joker qu'ils ont trouvé, parce que déjà avec le réchauffement climatique, c'était à peu près l'idée. Hein. C'était à peu près l'idée. En gros, ils voulaient, je veux dire, ils voulaient faire un type d'économie dirigée, etc., avec des tas de contraintes et tout, au nom de la menace apocalyptique qu'est le réchauffement climatique d'origine humaine. Bon, visiblement, ils se sont dit bon, ça a pas l'air tellement d'amorcer dans l'opinion publique, en tout cas pas au point recherché. Il nous faut autre chose. Et c'est vrai que l'épidémie, ça agit sur, comment dirais-je, les instincts vraiment de conservation élémentaire présents chez tous les êtres humains, quoi. Donc là, tout d'un coup, la raison s'obscurcit, la peur, comment dire, s'empare du cerveau, et voilà, les autorités n'ont plus qu'à dire, voilà, on fait ça, et tout le monde suit sans broncher, quoi. On a quand même réussi à mettre tous les Français chez eux en résidence surveillée, je trouve ça assez fascinant. On en est à la troisième semaine. D'ailleurs, j'ai pas l'impression... Et pas que les Français... Et pas que les Français, oui. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait une date limite. Bon, ça va pas durer toujours, mais ce dont je suis à peu près certain... Ah non, il n'y en a pas. Hein. Ce dont je suis à peu près certain, c'est que, de toute façon, ce confinement ne sera pas levé. C'est-à-dire qu'on va le lever partiellement, mais vous aurez toute une série de contraintes, une surveillance généralisée, systématisée. Donc vous avez maintenant vos petites attestations avec votre smartphone... Faut montrer patte blanche quand vous sortez de chez vous, ça, l'État ne va pas l'abandonner de si vite, j'aime autant vous le dire. Donc il y a toute une série de mesures qui vont faire passer dans le droit commun, tout simplement, et on va vous dire, bah voilà, le confinement est levé, sauf qu'en réalité, le confinement sera devenu la nouvelle norme, hein, voilà. Donc on aura changé de nom. Ils vont juste relâcher, effectivement, au bout d'un moment, je pense, au bout de quelques semaines, un mois et demi, ils vont dire, bon, allez, voilà, on reprend progressivement l'activité, mais il y aura toute une série de choses qui seront considérablement limitées, et c'est voulu, et ça n'est pas justifié par le caractère de ce virus, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que a dit notamment Alexis, c'est-à-dire la riposte qui a été choisie n'est sans rapport avec le danger sanitaire qu'on affronte. C'est évident. Oui. Mais tu fais bien de parler cela. Tout à l'heure, tu as cité Davos et tu fais bien d'insister sur le côté de la peur, la psychose du coronavirus. Il y a un YouTuber canadien, bien connu du moins par certains, qui a fait le même lien. Il a rappelé une chose, il a rappelé, comme tu l'as fait tout à l'heure, la grande peur de demain, du réchauffement climatique, de la mort de la planète, etc., surtout représentée par cette petite Suédoise, la Greta Thunberg. Et le type rappelle ceci, rappelez-vous, dit-il, le 25 janvier 2019, c'est il y a un peu plus d'un an, le fameux discours à Davos, justement, parce que Davos a tendu ses micros à la petite activiste, et elle a dit ceci aux chefs d'État et aux affairistes planétaires. Elle a dit, je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez, que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours et que vous agissiez. Donc effectivement, il y avait déjà, avant même l'apparition du coronavirus, une volonté de, je dirais peut-être pas terroriser, mais de sérieusement inquiéter la population mondiale. Tout à fait, oui, c'est évident. Absolument. Et naturellement, donc, oui, je voulais simplement. Oui, bon, je me répéterai un peu. Dans le sens où les merdiants entretiennent vraiment cette peur. Ils ont reçu une consigne. Ce n'est pas possible autrement. On parle du coronavirus comme on ne parlait pas des Beatles dans les années 60, au moment où ils sont apparus. C'est assez incroyable. Après, il y a les chaînes info en continu, mais moi, enfin, pour m'être concentré sur les médias d'État, voilà, tu as le journaliste et le docteur qui font le tandem question-réponse. Du jour au lendemain, tu as des informations contradictoires, clairement. Ouais. Si je peux me permettre, si on reprend l'épisode coronavirus, bon, l'épisode coronavirus, il tue principalement les vieux et les personnes qui ont déjà des complexités médicales. Alors, en France, ça tue les vieux de plus de 70 ans ou de 70 ans, c'est un drame, c'est épouvantable, c'est un scandale, ce n'est pas normal, bla bla bla bla. Je rappelle que dans la plupart des pays européens, si vous avez 70 ans et que vous arrivez aux urgences, c'est clair qu'on ne va pas vous faire de pontage coronarien. On va gentiment vous laisser caner. Donc déjà, on est en train de remettre l'intégralité des retraites à zéro avec ce système. Le deuxième souci, plus particulièrement en France, nous avons la merveilleuse Madame Buzyn, et curieusement, c'est quand même assez extraordinaire, c'est que Madame Buzyn est ministre de la Santé, elle s'aborde systématiquement le principe des masques, de tout le matériel nécessaire au soutien logistique médical, son mari, comme par hasard, est un expert, et arrive tourner en rond, c'est-à-dire que plutôt que d'investir des milliards sur le énième énième vaccin, il y a un type à Marseille qui trouve une recette qui fonctionne et que les Chinois avaient déjà particulièrement en partie trouvé. Donc là, ça fout en l'air l'intégralité d'un système. Mais moi, je voudrais arriver à une autre question qui est partiellement hors sujet, quoique. On découvre que, et pas qu'en France, que la plupart des systèmes de santé européens à l'heure actuelle sont dans un état de bordel absolument invraisemblable. Que ce qui normalement devait être budgété ne l'est pas, ou l'a été, mais ne correspond pas du tout à la réalité. Que des stocks qui normalement doivent être renouvelés chaque année, ou tous les 5 ans, ou tous les 10 ans, ne le sont plus. Et là, moi, j'en viens à la question subsidiaire, mais qui a tout aussi son importance que dans le domaine de la santé. On voit que le système de la santé ne marche plus. Mais il y a un autre système en France et dans toute l'Europe qui est tout aussi important. C'est la protection civile. Il faut bien se rendre compte que chaque citoyen français, le jour de sa naissance, rentre dans un programme de protection civile. En cas de catastrophe, en cas de guerre, en cas d'accident de centrale nucléaire et autres. Alors la question subsidiaire, c'est celle-ci. Est-ce que la protection civile a le matériel NBC destiné aux civils qu'elle devrait normalement avoir en stock, payé et vérifié? Est-ce que si demain on a une centrale nucléaire qui part en couille, est-ce que nous avons au niveau de la protection civile les comprimés nécessaires pour l'iode? Est-ce que nous avons effectivement la logistique réelle et non pas le show médiatique des exercices et des pseudo-exercices qu'on nous fait à la télévision? En d'autres termes, est-ce que le pognon de tous ces services de l'État est réellement appliqué pour la protection du citoyen? Quelqu'un veut-il réagir au propos de Diabolix ? Ou ajouter quelque chose d'autre ? Parce que finalement, grâce au courrier de notre auditeur, on a pu aborder, on peut aborder en fait la question du virus, la question du confinement auquel tout le monde est astreint actuellement dans la plupart des pays occidentaux. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Envie de dire quelque chose ? Moi, j'ai vu quelque chose. Écoutez, c'est peut-être un peu audacieux, un peu violent de le dire comme ça, mais parce que je n'ai pas, j'ai un petit problème, je n'ai pas su mettre le lien, me souvenir de la source. Il y a des statisticiens qui travaillent pour un organisme européen, je ne sais plus si c'est l'OSCE ou quoi, qui affirment que le nombre de morts total pour les trois, en Europe, donc, pour les trois premiers mois de l'année 2020, l'augmentation par rapport aux deux années précédentes, 2019-2018, n'est, disent-ils, pas significative. Ce qui voudrait dire, en lisant entre les lignes, que le nombre de morts que l'on a ici avec le coronavirus et qui est présenté comme exceptionnel par toute la presse, en fait, ce sont des gens qui décèdent et qui sont en bonne partie des gens qui sont arrivés en fin de vie pour une raison de santé, pour une raison d'âge, pour une raison d'épuisement, et qui seraient arrivés en fin de vie et qui seraient de toute façon, pour une partie d'entre eux, décédés dans le premier trimestre de 2020. Voilà, c'est comme ça que j'ai interprété l'article. C'est au niveau INSEE, c'est au niveau français en fait. Tu as les chiffres qui sont sortis au niveau de l'INSEE sur la mortalité jusqu'au 15 mars. Mais après, c'est les chiffres jusqu'au 15 mars, ça va pas avoir grand chose parce que jusqu'au 15 mars, il y avait 200 morts en France officiels par rapport au virus. Donc bon, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Mais même quand on prend les chiffres de la mortalité qu'on peut avoir en ce moment en France, au niveau statistique sur l'échelle de la population, ça représente que dalle. Ouais, j'ai essayé de trouver une confirmation de cela dans des articles archivés dans la presse belge, mais bon, humblement, je reconnais, j'ai pas trouvé. J'ai vu des articles sur le Figaro où ils annoncent, je sais plus, entre 20 et 50% de mortalité en plus, par exemple, sur la Seine-Saint-Denis. Bon. Ouais, mais sur une très courte période. Ben oui, voilà, ça casse pas. Ça sert à rien, quoi. C'est bon. Les types, oui, ils sont dans les hôpitaux crevés dans 3 semaines. Ça occupe les hôpitaux. Comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Les gens sont là, ils crèvent pas de suite, ils crèvent plus tard. Mais au niveau de du taux de mortalité, c'est peanuts, c'est que dalle. Ah oui, non, quand on sait qu'en France, en France, on est à peu près sur 600 000 morts par an, le coronavirus ne va pas faire bouger... On ne sera pas à 60 000. Hein, non, mais comment dire, même Neil Ferguson, qui est l'un des modélisateurs qui a conseillé l'État français, c'est un Britannique, lui-même l'a reconnu dans la presse britannique, il a dit 2/3 des personnes qui allaient mourir du coronavirus seraient mortes de toute façon dans l'année. Je peux faire plus spectaculaire. Il parlait de ça, avec des mesures de confinement, enfin, en tout cas des mesures au moins de mettre des masques et compagnie. Mais même, ça veut bien dire, si tu veux. Je suis ni obèse, ni fumeur, ni diabétique. Donc, rester cloîtré dans une cage à lapin, j'ai la chance d'être dans autre chose que dans une cage à lapin, mais ça me gonfle. Hein, ça me gonfle quand même. Oui, oui. La population est quand même très bien domestiquée. Moi, il y a quelque chose qui. Je regarde avec intérêt. C'est Palantir. Donc, oui. C'est une société de big data qui fait de l'analyse prédictive, qui est en train de remplir son carnet de commandes comme jamais, avec des contrats, on parle de milliards de dollars, hein, c'est des contrats très juteux. Et évidemment, eux communiquent sur le fait que tout va bien se passer, que effectivement l'objectif de l'entreprise, c'est surtout de prévoir un petit peu l'évolution du taux de contamination du virus. Moi, je pense que le gouvernement ne va pas que se servir de tels outils pour protéger la population. Il le fera évidemment pour la surveiller. Ça me paraît assez évident. Et les gens qui pensent que c'est du complotisme et que nous délirions sont pour moi des idiots. C'est la quintessence du PNJ. Hein. D'ailleurs, ces marrants sont exactement les mêmes qui nous font tout un foin sur le coronavirus. Ce sont exactement les mêmes que ceux qui nous faisaient le même foin sur le réchauffement climatique. Oui, C'est curieux. absolument. D'ailleurs, petite remarque en passant, avez-vous remarqué dans la presse le nombre de personnalités de tous les pays, occidentaux en tout cas, qui se disent contaminées par le coronavirus, quand Oui. même Greta Thunberg qui l'affirme? Oui, et puis le problème, c'est qu'on ne peut pas vérifier. En plus. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Greta Thunberg s'est dit, je pense avoir le coronavirus, je me mets en confinement. Bon, c'est pas elle Alors, qui s'est. elle pense avoir le coronavirus, par contre, elle voit, c'est certain, elle voit le CO2 à l'œil nu, hein, Oui. Greta Elle n'a pas Thunberg. vu le corona. Elle l'a pas vu, donc peut-être qu'il y a une différence de taille, pourtant le CO2 est quand même plus petit à l'échelle moléculaire qu'un virus, c'est à l'échelle atomique le CO2. Mais bon, elle le voit, elle le voit. Alors, c'est très intéressant ce que tu disais, cher MacDev, à propos de Palantir. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vais quand même t'expliquer. Pourquoi Palantir? Alors, d'abord, c'est une entreprise américaine de la Silicon Valley. Nos auditeurs peuvent se renseigner à ce sujet. Cette entreprise est connue pour être liée à toutes les agences des services de renseignement américains. Donc, CIA, NSA, etc. Hein. Elle développe même des programmes en commun, etc. Bon, vraiment, c'est consubstantiellement lié, si vous voulez, à ce qu'on appelle l'état profond américain. Bien. Et ces gens-là utilisent comme on choisit pour le nom de leur entreprise, un nom qui n'est pas anodin, puisque Palantir, vous savez, ce sont ces boules qui permettent, dans le Seigneur des Anneaux, ces boules qui permettent aux mages. Sur celui qui, et même toute personne qui pose la main dessus, de voir l'avenir. N'est-ce pas? Et c'est l'œil de Sauron. Donc c'est qui est par définition, l'incarnation même du mal dans le Seigneur des Anneaux. Donc c'est quand même très curieux pour une entreprise de se revendiquer de quelque chose qui est maléfique dans la culture populaire occidentale. Via le Seigneur des Anneaux. C'est très curieux, puisque c'est quand même une entreprise qui sont censées vouloir le bien de tous, vous voyez. Et pour eux, le Palantir, bah, visiblement, c'est plutôt valorisant. Et donc, ils veulent savoir ce que les gens font, n'est-ce pas? Et effectivement, le gouvernement français est en discussion, c'est pas le seul gouvernement européen, est en discussion avec Palantir pour surveiller les personnes qui sont censées être malades. D'accord? Alors, je suis d'accord avec toi, Magda, c'est-à-dire que c'est la meilleure façon de mettre son pied dans la porte. Hein? Voilà, on dit voilà, c'est pour la bonne cause, etc. Tout le monde dit oui, j'ai vu un sondage. Alors, le problème, c'est que les sondages, on leur fait dire ce qu'on veut, mais ils publient des sondages, et je crois que 75% des Français sont favorables au traçage des personnes qui sont censées être positives au coronavirus. Bon. Évidemment, chacun pensant que c'est temporaire, oui, mais ensuite le gouvernement pourra dire, écoutez, ce traçage, vraiment, quelle efficacité, c'est vraiment très utile. Peut-être qu'on pourrait entamer une réflexion sur le recours à ce type de possibilité pour d'autres problèmes. Hein? Et là, on pourrait avoir des surprises sur ce qu'ils ont en réserve. On n'y est pas, mais pour moi, c'est tout sauf anodin. Et quand on voit que c'est Palantir qui le fait, moi je dis que ça n'est pas sans poser de questions, hein, loin s'en faut. Donc on voit des choses se mettre en mouvement, un petit peu partout. Hein, on voit des gens comme Bill Gates se manifester, on voit le Forum économique de Davos se manifester, s'extasier sur les simulations de pandémie. On comprend déjà qu'il y a des vaccins en préparation qui vont coûter une fortune aux contribuables, mais qui vont au contraire apporter beaucoup d'argent à Big Pharma. Je crois que c'est d'ailleurs toute l'origine hein, de la diabolisation en cours du professeur Raoult. Hein, j'ai l'impression que c'est ça qui est un peu recherché. Bon, je crois qu'on voit à peu près les pièces du puzzle se mettre en place, quoi. Pour ne même pas parler de la partie financière. Et voir Palantir arriver et dire « Oh là, on a les solutions miracles, on va pouvoir vous aider à surveiller la population, etc. Les resquilleurs, etc. » Parce qu'ils pourront très bien dire, je disais, ils ont la suite dans les idées, ils auront peut-être des alternatives, ils auront peut-être ils ont probablement d'autres étapes en tête. Bah, ils pourraient déjà dire, par exemple, « Il faut tracer toute la population pour faire respecter le confinement. » Vous voyez ? Oui, bien sûr. Ça, c'est une très bonne excuse. Dire, ah bah oui, mais attendez, c'est pour la sécurité des Français. Donc, ça se fera pour dire oui, non, on va relâcher le confinement, donc on va tous vous suivre. C'est ça. En termes de contrôle de population, il y a déjà, ils ont déjà un peu avancé leur pion. Hein. Donc la propagandiste officielle, la CBET NDI, qui est bête comme ses pieds, a déjà annoncé que vous vous rendez compte, on est dans une situation de crise sanitaire, etc. Le monde va s'écrouler. Et donc, il y a des fake news qui sont en train d'être propagées, hein, qui viennent pas du gouvernement, bien sûr, hein, qui viennent des citoyens, toujours, hein, évidemment. Et donc, c'est déjà en préparation. Il y aura une censure, quoi, finalement, qui sera mise en place parce qu'on est en situation exceptionnelle. Donc, tout ça est déjà avancé, en fait. Hein. C'est sur Après le racisme, sur Twitter. Après le racisme. Je pense que cette négresse qui a déclaré que... ça ne servait à rien de porter un masque parce que de toute manière elle-même ne savait pas l'utiliser. Je pense que elle sera à un moment ou un autre sacrifiée par les juifs, comme enfin les juifs ou pas, ou peut-être Macron, hein, ça peu importe. Mais il y a des gens qui vont être sacrifiés. Je pense à Sibeth Ndiaye et à Agnès Buzyn qui risquent de servir de bouc émissaire comme les gens de sa race ont servi à. De bouc émissaire de manière tout à fait. Bah, ils ont inventé le principe du bouc émissaire, donc ils peuvent pas trop se plaindre. Oui, hein. Oui, mais là, pour le coup, Buzyn va payer pour tout le monde. Hein. C'est fort possible. Hein. Alors, oui, pour le coup, Sibeth a été placé là pour ça, hein. Très clairement. Bah oui, oui, tout à fait. Bon. Bah, l'idée, c'est de mettre une négresse pour que tout le monde ferme sa gueule. Vous voyez, c'est que les gens retiennent leur coup. Parce que sinon, quand même, ah oui. Voilà, vous attaquez la porte-parole du gouvernement parce qu'en fait c'est une femme de la diversité. Voilà, parce que Marine Le Pen ne dira pas, enfin, ne va pas être aussi virulente. Tout à fait. Envers un homme blanc, d'autant plus s'il est hétérosexuel, parce que ça me tord de. Oui, là c'est presque la provocation de Marine Le Pen. Là, oui. Et donc quand tu mets une négresse obèse avec une coiffure compte tout et son contraire, c'est Marine Le Pen reste muette, ou en tout cas a une tendance à être très très compréhensive. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose sur ça? Vous, je sais pas, j'ai pas entendu de date. Dans plusieurs pays, j'entends plusieurs pays où on évoque fin mai. Alors je sais, je dis pas que ça va être le cas, hein, mais en France, dès qu'il y a eu la prolongation après les 15 premiers jours, donc au bout de 10 jours, on a dit bon, ben, on repart pour 15 jours. On nous a fait comprendre que minimum ça allait durer 6 semaines. Oh, donc là, il y a encore la semaine prochaine minimum. Oui. Il faut s'attendre à ce que d'ici jeudi, vendredi, on nous en remette pour 2 semaines en disant que ça repartira probablement plus tard. Donc, ouais. Donc on est minimum sur début mai, quoi. Oui, il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent parce que bon, il y a les annulations du bac, donc qui laissent à supposer, enfin, qui laissent supposer que le truc peut s'étendre plus loin. Il y a aussi, comment dirais-je. J'ai vu ça aussi pour le championnat de football. Alors là, dans les différents pays européens, il y a différentes attitudes. C'est-à-dire que, par exemple, là, en France... Soit on annule, soit on garde En France, en Allemagne, par exemple, j'ai vu qu'ils ont repris l'entraînement. Ils reprennent l'entraînement, par exemple, en Allemagne. En France, il y a eu des appels, notamment, je crois qu'il y a Valdemar à Nantes qui a dit, voilà, Allez, faut reprendre les matchs, même à huis clos, mais il faut reprendre le championnat. Et je crois qu'il a été. Je crois que c'est. Je crois que c'est. Je sais plus qui. Enfin, c'est bon, c'est quelqu'un d'influent dans la Fédération française de football qui a dit non, non, c'est bon, c'est terminé. Il y aura pas moyen, machin. Donc, mais c'est. Et après, il y a le. Je crois que c'est la Champions League. Je crois C'est mort, qu'il. ça, non? Voilà, c'est bon. C'est mort. C'est. Bref, c'est le foutoir. Donc, ce qui laisse supposer. Que au niveau des dates, on soit pas sur un confinement qui va se terminer dans 10 jours, quoi. Hein, c'est clair. Hein. Oui, d'autant que les Jeux Olympiques qui devaient se dérouler au mois d'août à Tokyo sont annulés Ouais. aussi. Donc, il y a aussi Roland-Garros, Wimbledon, donc ça se passait au Ouais. mois de juillet, tout ça. Enfin, Roland-Garros au mois de juin. Enfin, mai, début juin, je crois. Et puis Wimbledon, c'était au mois de juin, non, Ouais, juin, juillet. Et c'est Roland-Garros c'est annulé. de fin juin, début juillet pour Wimbledon, annulé. Alors, moi, ce que je vois, c'est que bon, ils vont déconfiner, comme je dis, ils vont déconfiner au bout d'un moment, ils vont déconfiner partiellement, et en fait, vous serez confiné, mais on vous dira que vous n'êtes plus confiné, donc ça sera un petit tour de passe-passe. Par contre, ça va être une arme terrible entre leurs mains, c'est la menace du retour du virus, qui leur donne, pour ainsi dire, carte blanche pendant au moins 1 an, si ce n'est 2 ans. Parce qu'ils ont tellement traumatisé les gens. Que si vous voulez, c'est avec cette épée de Damoclès, ils ont vraiment carte blanche. Donc je sais déjà que de toute façon, même en déconfinant partiellement, ils pourront faire peur aux gens suffisamment pour faire passer leur décision. Voilà. Bon. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous vous imaginez, je sais pas, par exemple, voilà, au mois de juillet, c'est bon, la vie reprend comme avant. Tu peux aller, enfin, je veux dire, tu peux aller à la plage comme tu veux, Alors, tu peux aller en boîte de nuit, etc. Tu vois. Je... sur les, sur, en tout cas, ce qui transparaît d'après les informations qui peuvent, enfin, qui sont données sur les chaînes de télévision, c'est que d'ici l'été, on sera déconfiné en partie ou totalement, on ne sait pas, mais que les frontières resteront fermées. C'est-à-dire qu'on nous dit pour l'été prochain, ne prévoyez pas de vacances à l'étranger, prévoyez des vacances en France. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Peut-être que les gens vont attendre les Parisiens avec des fusils sur les plages. Ça serait tout à fait intéressant. Mais oui, je ne sais pas. En tout cas, on nous prépare déjà à ce que les frontières restent fermées aux étrangers dans les deux sens pour l'été. Ouais. Donc, ouais. Quelqu'un, comment vous voyez la chose évoluer pour le confinement? Et retour à la normale ou pas? Bah écoute, malheureusement, je n'ai pas de pierre de Palandier. Bah oui. Et j'ai envie de te dire, les choses ont tellement évolué en si très peu de temps que finalement, pas bien malin celui qui pourra prédire. Par contre, ce qu'on peut prédire, évidemment, ce sont les conséquences économiques Oui. ou même enfin, sociétales, quoi. Là, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais du point de vue médical, je sais pas, peut-être qu'il va. Apparemment, le virus serait météo-sensible, donc la transmission serait moindre lorsqu'il fait beau. Donc écoute, tant mieux, quoi. Après, est-ce qu'on va revenir à la normale? Je ne sais pas. Moi, très honnêtement, je ne pensais pas qu'on était arrivé à ce point de domestication. Je pensais que malgré tout, bon, voilà, quoi, il y avait quand même une hausse du niveau d'éducation. Et que les Français étaient quand même revêches, libres, un peu voltairiens. Et non, pas du tout. Je me rends vraiment compte que le conditionnement sur les masses, ça marche très très très bien. Et quelque part, si tu veux, je comprends plus ou moins comment dire, l'attitude. De rejet du confinement de certains banlieusards. Les bougnoules, quelque part, je les comprends. Alors, eux, ils sont quand même dans des zones très denses, mais enfin, faut s'imaginer ce que c'est, enfin, de se faire Tout à contrôler par fait. une putain de gendarmette obèse qui vient de Seine-Saint-Denis. Vous faites contrôler quand vous sortez de chez vous, alors que vous êtes dans un patelin où il y a même pas 5 habitants par kilomètre carré. C'est extrêmement difficile là. Hein. Il faut savoir retenir son calme. Oui. Oui, non, mais c'est ça. L'effet psychologique qu'a cette épidémie, c'est le grand flip des citadins qui ont 5 semaines de congés payés et 3 semaines d'arrêt maladie parce qu'ils sont malades tout le temps. Les gens qui sont malades. Voilà, c'est ça. Hein. Les gens qui sont pas malades, ils se disent, putain, mais qu'est-ce que vous me faites chier, quoi? Qu'est-ce que vous me faites chier avec votre truc à me garder dans une cage à lapin, parce que ce sont des gens qui vont, voilà, qui vont courir dans la montagne, qui vont se tremper le cul dans l'eau glacée. Ça n'est pas du citadin qui chope un rhume et qui croit qu'il va mourir hein, tous les 15 jours. C'est pas pareil. C'est pas la même humanité. Bon, c'est gonflant. Moi, je vais vous dire mon sentiment sur cette situation plus largement. Je pense qu'il y a vraiment un avant et un après. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment la façon dont je vois les choses. Le système, en fait, bon, j'ai bien expliqué ce que j'en pensais. Donc j'ai dit que pour moi, tout ça a été instrumentalisé et c'est très clair. Mais le système, en fait, se sent contraint de recourir à ce type, on va dire, de manipulation. Parce qu'en fait la situation est critique pour lui. Je pense qu'ils ont quand même observé ces 5 dernières années, on va dire, surtout avec le choc qu'a été l'élection de Trump. Je dis pas que Trump, c'est quelqu'un qui combat le système, ou je sais pas, mais d'une certaine façon, son élection est une élection populiste, c'est indéniable. Il y a une révolte électorale des classes populaires blanches aux États-Unis. Avec des conséquences très très claires pour ce que eux rêvaient, enfin ce que les élites occidentales rêvaient de bâtir, qui était un système international, ce qu'on pourrait appeler le mondialisme ou le globalisme. Et ils ont vu que ça, c'était un vrai coup de semonce. Je pense aussi que le travail d'Orban dans son pays, aussi modeste que soit la Hongrie comparativement aux États-Unis, quand ils ont vu qu'il a fermé ses frontières pour contrôler qui pouvait rentrer en 2015, et que ça a rencontré un très large écho au point de créer autour de lui un bloc avec le groupe de Visegrad, ils se sont dit, ah, attention, là, dans une autre direction, on a en Europe des gens qui ne sont pas non plus des adeptes du sans-frontiérisme sans limite. Et je pourrais multiplier les cas comme ça. Ils se sont dit, bon, si on reste sans réaction, le système va se désintégrer progressivement et on ne pourra plus rien faire. Il nous faut quelque chose qui légitime des mesures exceptionnelles de prise de contrôle. Voilà. Et je pense qu'on est dedans. Donc en ce sens-là, il y aura un avant, il y aura un après. C'est aussi pour ça que je pense que le confinement, bon, il sera partiellement levé, etc. Et je vous pose un peu la question, est-ce que vous pensez que la vie va reprendre comme avant? Moi, j'entends des mots un peu bizarres qui sont utilisés. Il faut passer dans une économie de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, économie de guerre? Bon, il y a des expressions comme ça qui ressortent, qui vont à économie de guerre, ça veut dire que c'est l'État qui détermine la production, quoi. Hein, c'est lui qui détermine les buts stratégiques, on produit quoi, comment, avec qui. Et c'est plus les acteurs économiques eux-mêmes qui le déterminent, quoi. Donc on sent qu'on passe dans un autre truc. C'est de la com. Oui, c'est de la com, mais je ne sais pas si c'est que de la com. Genre, au bout d'un moment, je me demande s'ils ne vont pas, ils vont pas prendre des vraies mesures de cet ordre-là, parce que vous écoutez Jacques Attali, par exemple, je vous invite à l'écouter. Il est très prolixe en ce moment. Il accorde des interviews dans tous les sens et il dit bon alors vers quoi on va? Alors Jacques Attali, bon c'est pas pour dire que c'est lui qui dans l'ombre décide, mais c'est quelqu'un qui a des contacts, c'est quelqu'un qui est évidemment proche de Macron, c'est quelqu'un qui discute avec toute une série de technocrates et de membres justement de cette caste qu'on retrouve à Davos tous les ans. Donc quand il nous dit quelque chose, ce qu'il dit en fait, il répète ce qu'il entend dans les milieux qu'il fréquente. Et quand vous entendez ce qu'il dit, il dit, bon, bah voilà, on va devoir surveiller la population, hein, va falloir prendre des mesures exceptionnelles, l'économie va falloir complètement la repenser, hein, là aussi, et il vous fait bien comprendre que on va pas vers plus de libéralisation de l'économie, mais au contraire vers beaucoup moins de libéralisation. Il dit que la production va devoir être complètement reconfigurée, etc. Alors, c'est ce qu'il dit, mais je pense que quand il dit que... On va vers quelque chose de complètement on va vers quelque chose de différent. Je pense que c'est très juste. Bah, excuse-moi, mais enfin, Attali, si tu veux, c'est comme une horloge ou une boussole dysfonctionnelle. C'est-à-dire Oui. que il a dit tellement de choses et tellement de choses différentes que forcément, au bout d'un moment, il a pu donner l'heure exacte. C'est quand même un partisan de la mondialisation totale. Oui. Or, on voit qu'elle peut pas fonctionner, je suis désolé. Et puis, si tu veux, ce qui va se passer très certainement, c'est qu'on va devoir introduire un petit peu des stocks. Et que finalement, on va peut-être passer d'une forme de mondialisation to totale à une forme de régionalisation de la mondialisation. Parce Oui. que faut pas rêver, les pays ne vont pas devenir tout d'un coup autosuffisants. Hein, ils vont pas se mettre à fabriquer des masques du PQ, tous, c'est pas possible. Donc, ce qui risque de se passer, c'est plutôt un scénario, entre guillemets, huntingtonien, tu vois, où les blocs vont se faire, enfin plutôt se consolider. Et puis, enfin, si tu veux, tu peux pas gérer non plus un État comme une entreprise, c'est pas possible. L'idéologie du zéro stock. Enfin, toutes les ce qu'on appelle le toyotisme, hein, toutes ces méthodes de management qui visent vraiment à faire en sorte que tout soit le plus fluide possible et qu'on vire tout ce qui est solide et qui prend de la place ou du temps ou de l'argent, bah forcément ça va revenir. Mais faut pas rêver, ça reviendra pas, on va pas revenir à l'économie à la papa et au capitalisme du 19e. Enfin, ça va pas se passer comme ça non plus. Ça réintroduit quand même l'idée qu'il faut être souverain d'un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on doit avoir chez soi ou dans son propre pays. Donc, ce qui se passe, oui, ça rebat complètement les cartes, je suis d'accord, mais ça, finalement, ça peut être aussi l'occasion de faire imposer certaines des idées, proches de nous, on va dire. Oui, bah, c'est vrai que enfin, pendant très longtemps, quand on délocalisait, on faisait en sorte de garder la maîtrise du processus de production. Donc, enfin, c'est ce qu'on appelait le scaling, quoi. Donc, or, ça restait très théorique, mais on faisait quand même en sorte de garder les machines-outils sur place. Et puis, elles étaient stockées. Enfin, ça fait bien longtemps qu'on ne réfléchit plus comme ça. Et malheureusement, bah, alors, ceux qui s'intéressent à la question le savent déjà. Et par exemple, quand on a dû remplacer le FAMAS français, bah, on n'avait pas les entreprises de la taille suffisante pour fabriquer la chose alors qu'on avait les machines-outils. Bon, est-ce que c'est. Peut-être que ce monde-là est terminé. Bon, j'en sais rien. Très honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer parce que. Enfin, le système monétaire mondial va être tellement chamboulé que je te dis le nombre de scénarios possibles il est très très important, l'éventail est très très vaste. Moi je serais pas étonné qu'on assiste à une forme, enfin un nouveau Bretton Woods, hein, parce que Oui, là oui. je pense que l'économie de consommation telle qu'on l'a connue en France, c'est terminé. L'Allemagne, à mon avis, elle va pas dire oui ad vitam aeternam à, comment dire, à l'apport de dette, hein, via son crédit. Il y a une chose que n'ont absolument pas compris les Le Maire et compagnie, c'est que les fameux Coronabond, là, ou Oui. Quirinabond, ça porte un nom, c'est un CDO, c'est-à-dire un produit titrisé. Hein, où, en cas de défaut de l'un, eh bien, l'autre paiera à sa place. C'est ce qui a précisément comment dire, porté la crise de 2008. Sauf que là, on va le faire au niveau des États. Donc les Allemands n'ont aucun intérêt à le faire. C'est évident. Oui, on va avoir un problème sur l'euro, c'est clair, risque d'implosion à mon avis. Alors messieurs, bon, c'est intéressant tout ça. Avant de nous séparer, peut-être un dernier point. Oui. Vas-y, Fulbert. Oui, à ce point de vue, avez-vous vu cette nouvelle qui dit que le président chinois, le président russe et le président américain ont décidé de créer une monnaie électronique, je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, adossée à l'or. C'est sorti hier. Une monnaie électronique adossée à l'or? Oui. Une monnaie Spécial. digitale internationale, c'est ça? Sans doute, oui. Alors, moi, bon, les scénarios. Alors, oui, ils veulent passer au tout digital pour taxer, bien sûr. Hein, l'idée, c'est de. Parce qu'ils. Comment dirais-je? Ils ont saboté l'économie. Hein. Pas depuis 6 mois. Hein. Ils ont saboté l'économie depuis un bon moment. Tout ça est en train de se casser la figure, notamment pour les histoires de retraite, etc. Parce que tout ça n'est pas financé. Donc, ils pensent à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ne se remettent pas en question, tous ces gouvernements endettés. Donc ils se disent, bon, surtout dans les gouvernements, surtout en Occident, ils disent, bon, bah, on va aller prendre l'argent où il se trouve. Mais faut-il encore aller, pouvoir le trouver? Donc je crois qu'en basculant dans le tout digital, ce qu'ils veulent, c'est vraiment pouvoir superviser tous les échanges. Donc c'est aussi en ça que je parlais de surveillance. Donc oui, ça ne me surprend pas du tout. Je ne pense pas qu'il y aura que de l'or, d'ailleurs. Enfin, il y aura peut-être de l'or pour soutenir une telle devise pour les échanges internationaux, mais il y aura probablement toute une autre série de devises. Enfin, je veux dire, mais bon, c'est Ouais, intéressant ce que tu. c'est un panier de devises en fait. Oui, je pense, oui. À la place du dollar uniquement, oui, tout à fait. Oui. Alors, messieurs, avant de nous séparer, ce confinement tape sur les nerfs d'un certain nombre de personnes. Il n'y a pas que Derrick qui n'en peut plus. Vous avez d'autres personnes qui n'en peuvent plus. Et nous allons aller à Romans-sur-Isère. Hein? C'est le journal de la Saône-et-Loire qui nous explique cet incident dont vous avez forcément entendu parler. Alors je vous lis l'article du journal de la Saône-et-Loire. Abdallah Ahmed Osman, un réfugié soudanais qui a tué 2 personnes dans une attaque au couteau samedi à Romans-sur-Isère dans la Drôme, était aigri à cause du confinement, selon des témoignages. Depuis quelques jours, il ne se sentait pas bien à cause du confinement lié à l'épidémie de coronavirus, ont rapporté des témoins aux enquêteurs, selon cette source. Il était assez aigri de la situation, selon ces témoignages concordants. 3 personnes sont en garde à vue à la suite de cette attaque perpétrée samedi matin dans les rues et les commerces du centre de Romans-sur-Isère, outre l'assaillant, une de ses connaissances et un autre homme de nationalité soudanaise. 2 personnes sont mortes dans cette attaque et 2 autres blessées sont en soins intensifs, mais dans un état stable. Une 3e personne est en salle de réveil et 2 ont quitté l'hôpital. L'auteur de l'attaque a obtenu le statut de réfugié le 29 juin 2017 et un titre de séjour de 10 ans en juillet de la même année. Il est inconnu des services de police ou de renseignement français ou européen, selon le parquet national antiterroriste, qui a ouvert samedi une enquête notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Lors d'une perquisition à son domicile, ont été retrouvés des documents manuscrits à connotation religieuse dans lesquels l'auteur des lignes se plaint notamment de vivre dans un pays de mécréants, selon le PNAT, a priori écrit par lui. Voilà. Alors, messieurs, ce confinement, hein, voilà, difficile à vivre pour les Français du futur. Bon, un coup de couteau hein, dans les commerces, etc. 2 morts. Voilà, mais bon, il en avait assez d'être enfermé, hein, parce que bon, les mécréants enferment quand même les serviteurs d'Allah chez eux. Bon, c'est à un moment donné, il faut dire stop, quoi. Et donc, Abdallah a dit stop. Il a dit stop Non, mais avec. c'est de la faute des Blancs. Oui! C'est notre faute. C'est même la faute de l'extrême droite, en fait, je pense. Ce confinement confine à l'apartheid. Hein. Confine à Donc, l'apartheid. bah, désolé. Est-ce que du coup, c'est rétroactif comme concept? Est-ce que ça peut marcher aussi pour moi, par exemple, si je me sens mal chez moi et que j'ai envie de prendre l'air dans le sentier, est-ce que je pourrais, je sais pas. Je sais pas. Donc. Non, ben, pour tous ces pauvres musulmans qui sont obligés de vivre dans des pays de mécréants, je suis désolé pour eux. Je pense que le mieux pour eux, ça serait qu'ils partent et puis comme ça, ils pourraient Ouais. vivre entourés de musulmans. Ça serait bien hein, pour leur santé mentale, pour la nôtre aussi. Oui, pas que la santé mentale, hein. Je pense que pour même l'intégrité physique des Français, ça pourrait être utile. Parce que là, il y a 2 Français, tu vois, ils étaient partis acheter leur pain, tu vois, avec leur petit papier, tu vois, délivré par Castaner. C'est bon, je suis en règle, je vais acheter ma baguette, tu vois. Et puis là, t'arrives, tu vois, là, t'as une pépite républicaine qui arrive, tu vois, donc un réfugié politique, je présume, voilà, ou un écrivain, ou un chercheur en. Comment dirais-je, en géophysique, j'en sais rien, et il arrive, alors, Allahu Akbar! Mais c'est de la faute du confinement. C'est de la faute du confinement, Et 2 personnes ont été tuées, mais 3 autres ont été grièvement blessées, je ouais. crois. Oui. Oui, alors, grièvement blessé à l'arme blanche, je vous laisse deviner, bon. Dont Est-ce une que qui. c'est une gentille colombe évadée de la cage de Belloubet? Bonne question, Madame Belloubet, effectivement occupée à libérer pas moins de 6 500 dollars, dont d'ailleurs l'épouse d'un djihadiste, si vous avez suivi ça. Ah, L'épouse, l'épouse d'un djihadiste, d'un cadre d'Al-Qaïda au Yémen, hein, très dangereux, eh bien, sa femme était détenue en France. non. Très dangereux, pas pour Allah, quand même. Ah C'était non! pas, c'était, c'était pas... Ah! Non, Non. j'ai eu peur. Mais bon, comment dire, Madame Belloubet l'a élargi au titre du coronavirus, c'était pour protéger sa santé. Si on peut même pas, si on peut même plus faire des largesses Oui, au bon, cadre d'Al-Qaïda, franchement. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis un peu mauvaise langue. Donc voilà, donc bon, c'est, je sais pas, Intéressant. c'est curieux comme projet hein, de société, ce qu'ils sont en train de faire. C'est étonnant, hein. Donc en tout cas, hein, votre papier ne vous protège pas des migrants soudanais, sachez-le. Hein, donc, Ouais. tu sens que tu es dans un Mais pas pays non plus. qui est verrouillé, hein. Bah, qui verrouille en tout cas Les blancs. les vieux non mais les vieux te prennent en photo quand tu sors de chez toi hein, Ah oui, donc non, mais ça me ça surprend pas. non mais c'est je reçois des messages de personnes qui quand ils sortent de chez eux ils ont les vieux au-dessus qui les prennent en photo quand ils sortent. On ne sait jamais. Bon ça pèse vraiment hein, cette histoire. Quelqu'un d'autre sur ce petit miracle de la diversité? Non? Oh, j'ai envie de Ça fait dire. partie du quotidien, j'ai envie de Ça dire. fait partie du Ça nous quotidien. rappelle le Oui, réel. c'est-à-dire que les bougnoules, c'est un bougnoule ou un nègre, je sais pas trop, peu importe. Donc on est, ils ont pas le sens du timing, quoi. Ils en ont rien à foutre, quoi. Alors, c'est pas un bougnoule ou un nègre, on n'en a rien à foutre, c'est un petit peu les deux, c'est le soudanais. Oui. C'est la sauvagerie du nègre et la fourberie du bougnoule, comme c'est une expression que je reprends de commentaires d'un forumer hein, sur le site, sur Europe Écologie Les Bruins. C'est une manière tout à fait juste de décrire le soudanais, hein, qui est le chaînon manquant entre le bougnoule et le nègre. Donc, quand tu les vois, c'est il y a les deux, quoi. Il y a le pire des deux. Et là, effectivement, c'est les deux. Donc, bon, on a eu 24 heures de flottement pour savoir si c'était. Si le type qui avait crié Allahu Akbar en égorgeant des gens, est-ce qu'il avait des visées terroristes, oui ou non? Ou est-ce que peut-être qu'il voulait juste. C'est juste une manière de s'exprimer. Pour se donner du courage. Voilà, mais de l'art, quoi. Ce serait plutôt une expression artistique. Hein. Enfin, qui sommes-nous pour juger l'art hein. Un petit peu fasciste de procéder de ces manières-là. Bon, donc oui, effectivement, il était gros. Enfin, le parquet s'est finalement saisi de cette affaire-là. J'ai vu qu'une des victimes était un ami proche de saltimbanque qui passe dans l'émission de Patrick Sébastien. S'appelle le magicien Dany Larry. D'accord. Voilà. Donc on a eu des articles quand même un petit peu plus élaborés sur la victime, puisque vu que ça a touché une personne, enfin une connaissance d'une personnalité qui passe dans les médias, il y a eu un article, voilà, une couverture un petit peu plus. Oui, Oui, on a rapporté un peu plus largement ce qui s'était passé, quoi. voilà, C'est-à-dire que, ouais. c'était un petit peu plus ce que le minimum, que la brève, Ouais, que la brève chien écrasé, que le quoi. chien écrasé, voilà, que le chien écrasé. Donc il y a eu un article qui est sorti dans la presse, Danila, vous chercherez si ça vous chante, Danila Ri, Soudan, migrant, soudanais, assassinat, terroriste, vous trouverez tout seul. Ceci étant donné que nous sommes dans le confinement, il n'y aura pas de cérémonie et Bien sûr. de toute manière, la chose va être bon, déjà, elle est déjà J'ai déjà oublié, mise hein. sous le tapis. Là, quand l'émission va sortir, donc Ah oui, là, comme c'est d'habitude, all news, hein. ce sera déjà obsolète. Non, mais Tout à c'est fait. même pas ça. Ils vont en parler, mais c'est inversé, quoi. C'est la faute du confinement. C'est pas la faute du. Tout est inversé dans la tête des gauchistes. Cette semaine, j'ai vu que ce sale juif de Raphaël Enthoven, par exemple, lui il est en Oui. train d'inverser complètement le cours des choses, puisqu'il se plaint, en fait, il plaint plutôt les pauvres drogués qui ne peuvent pas prendre leur dose pendant le confinement, tu vois. C'est complètement à l'envers, quoi. Vous vous rendez compte la souffrance de ces gens? Peut-être se sent-il concerné. Oui. Oui, alors je pense que les gens qui sont à plaindre, c'est surtout les riverains des salles de shoot qui se retrouvent avec des nègres camés en manque, qui doivent être d'une agressivité extrêmement dangereuse. Je Alors, pense que ces gens-là, à mon avis, doivent craindre pour leur vie. ils ont été agressifs dans les premiers jours, de ce que j'ai cru comprendre. Maintenant, ils errent, hein, c'est que tel des fantômes, ce sont C'est zombieland, hein. des zombies. C'est zombie. Effectivement, dans Paris, tu as des coins où tu sors de chez toi, tu as des zombies qui. Moi, j'ai Faut voir vu les ça. vidéos, hein, ça circule sur Twitter, Voilà. vous les voyez, enfin vous voyez les nègres, ils sont complètement paumés. Moi j'ai vu encore cette semaine comme ça, Plus paumé que d'habitude. une vidéo, oui, enfin là, je veux dire, il y avait un nègre qui est dans une rue de Paris, hein, je veux dire, le type avait enlevé son froc, enfin il l'avait à moitié enlevé, donc il avait le froc sur les genoux, il était penché en avant, il savait pas ce qu'il faisait, quoi, il savait pas où il était, ce qu'il faisait, etc. Bon, comment dire, ça c'est les nègres sous crack, en manque complet ou pas, tu vois, mais. Il y en a même que tu vois qui dorment carrément sur la route. Hein. Voilà, ils se foutent sur la route, ils dorment. Ça, on le voit dans le 18e, 19e arrondissement. Hein. Ouais. Voilà. Ils les ont mis là et c'est vraiment des zombies. C'est vraiment des zombies, quoi. Vous voyez des créatures qui déambulent très, très lentement, comme ça, sans but. Ils sont même pas capables de donner leur nom. Enfin, c'est incroyable. Hein. Ouais. Moi, je l'ai vu. En fait, il promenait sa bite, hein, tout simplement. C'est parce que je Ah, n'ai voilà. pas compris. Enfin bon, ce confinement est vraiment extraordinaire hein, de ce point de vue-là. On dit, apparemment, mais c'est ce qui remonte, que ça se relâche quand même le confinement, a priori. Ça se relâche, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens en fait qui sortent quand même. Je sais pas ce qu'il en est, mais on le dit. On le dit. Qu'il y a Les gens en ont marre, quoi. Les gens en ont marre. Ah oui, moi je le constate. Hein. Mais c'est parfaitement compréhensible. Enfin, ça me semble assez logique. Il y a 3 semaines. Imagine, tu te retrouves 3 semaines dans un 30 mètres carrés avec une femme que tu rencontres que tu ne l'aimes pas tant que ça. Ou avec des mômes que tu te rends compte qu'ils sont relativement mal éduqués. Et qui Bon, sont bah. pas forcément les tiens. Tous Voilà, Oui, Derek. surtout. Les grands esprits se rencontrent, Derek. Eh oui. S'ils sont un peu africains. Eh ouais. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur tout ce que nous avons abordé, précisé? Je tiens à signaler que nous pensons très fort aux Juifs, même si nous n'avons pas forcément parlé beaucoup Oh, on cette a parlé un semaine. petit peu de Buzyn quand même. Oui, mais Buzyn, elle n'est plus ministre, mais quand même, on pense à eux. Oui, Je bien veux sûr. dire, La semaine dernière, on a rester. quand même accordé une très belle partie, comment dirais-je, comment dire, aux us et coutumes religieux, du peuple élu. Hein? Non, voilà, Oui, non, mais je que comprends, je nous comprends, je pensons comprends. à eux, que nous ne les oublions pas, nous ne sommes pas prêts de les oublier. Juif toujours, c'est l'occasion peut-être aussi de souhaiter une joyeuse Pâques peut-être d'avance à tous nos auditeurs, hein, puisque rappelons que les Juifs, hein, ont eu quand même un petit geste malheureux envers un certain Jésus, il y a quelques années, donc n'oublions pas non plus. Voilà. Bonne Pâques à tous, alors, les amis. À la semaine prochaine! Salut! À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! À la semaine prochaine!